Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je vais t'enseigner des choses, mon Frank. Allez, vas-y, vas-y. Quelle couleur sont tes yeux, François? C'est le tour pour me le dire. Ah ouais? Ben, j'ai pas de miroir. Non, tu sais pas la couleur de tes yeux? Ben, bleu-vert, là. Un bleu-vert. Ouais. Bon, ben, savais-tu que t'es un mutant, François? Je suis un mutant. T'es un mutant. Ah ouais? Les personnes qui ont les yeux bleus... Un matin comme ça, toi? C'est un compliment, les gens qui ont les yeux bleus sont des mutants. Les premiers êtres humains avec des yeux bleus sont apparus il y a seulement 5000 ans. Non, ouais. Sur notre planète. Il n'y avait pas de gens aux yeux bleus avant. OK. C'était quoi, les yeux bruns? Ouais, j'imagine, les yeux bruns. Exactement, exactement. Ensuite, prendre une respiration. OK. Dans le temps que ça prend pour compléter une inspiration-expiration comme ça, ton cerveau processe un quadrillion de messages. Épanouis. Un quadrillion de messages. T'es parti sur le burn. C'est une marque de noix de coco, ça aussi. De quoi? De noix de coco. Ah. Burnac. Non, je savais pas. À l'épicerie, j'ai vu ça. Ouais. Des Burnac. C'est une marque de noix de coco. C'est juste le mot qu'on utilise. Ça ressemble à Big Mac. C'est ça. C'est pas vulgaire du tout. Non, non. Ensuite, en 1917, John D. Rockefeller... non, attends, on va quand même voyager. Je connaissais pas de John D. Rockefeller. Je voulais juste parler du suivant. Bill Gates ne réussirait qu'à payer 2 mois de l'intérêt de la dette nationale américaine. La dette nationale américaine... Bill Gates, avec tout l'argent qu'il a, ne paierait que 2 mois d'intérêt. Ben, c'est quand même pas mauvais. 2 mois, là? Pas si mauvais. C'est combien les intérêts? Je sais même pas. Aucune idée. Non, puis j'essayais de trouver c'était qui John D. Rockefeller, qui en 1917 aurait pu se permettre de payer la dette grand complet. C'était un propriétaire, en fait, c'est un gars qui était dans le domaine de l'huile. De l'huile? De l'huile. Ah! Eh ben, je sais pas ça. Intéressant. Ouais. Allons-y avec celui-là, tiens. Le mot placenta en allemand. D'accord? À la place de dire placenta, on dit Mutterkuchen, qui veut dire mother cake. Du gâteau de mère. Ah ben. Peut-être que ta mère t'a déjà dit de ne pas manger les noyaux des pommes. Les graines des pommes à l'intérieur des pommes. Bon. C'était tout à fait vrai parce qu'on parle de pêche, de cerise, n'importe quel. Ben, en fait, plusieurs fruits contiennent des glycosides cyanogénétiques. Ce qui se change en cyanure pendant la digestion. OK. Depuis les 50 dernières années, il y a au moins 9 personnes en Turquie qui sont décédées d'empoisonnement par cyanure après avoir mangé des noyaux d'abricots. Ah, oh, ouais? Ah, ben. Ouais, je pensais pas que ça pouvait être mortel. Moi non plus. Listerine, tu connais le rince-bouche? Ben oui. Ouais. Le Listerine, avant d'être un rince-bouche, les publicités disaient que c'était une cure pour les pellicules. Ils disaient même dans leur publicité que les lapins avaient des pellicules. Dans le fond, ont perdu cette maladie-là après avoir utilisé Listerine. C'était en 1937, une publicité pour Listerine. Tu mets ça sur la tête. Intéressant, comme ça. Tu sais que le politiquement correct de ces temps-ci est très, très fort partout dans le monde. Il y a un adolescent à Seattle qui s'est fait dire... Il était bénévole à une école primaire, d'accord? Et on lui a dit que les œufs de Pâques, il ne devait pas les appeler des œufs de Pâques, c'est des sphères printanières. Spring spheres, des sphères printanières. Oh. Oui, non des œufs de Pâques. Eh ben, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi le mot œuf a dû être remplacé, ça aurait pu être des œufs printaniers. Ah oh, ouais. Mais bon, apparemment que c'est vrai. Intéressant. C'est ce qu'on dit. Le premier film porno 3D est sorti la semaine passée. Hey, j'ai vu ça, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Je pense sur Internet ou je sais pas, mais ouais, j'ai vu ça. Pas fort possible. Il s'appelle Sex and Zen Extreme Ecstasy, qui est en cantonais. C'est un film érotique qui se passe dans une dynastie Ming en Chine, mettant en vedette une actrice porno japonaise. Ça se passe dans une histoire basée sur la littérature classique chinoise. Donc, on mélange vraiment beaucoup d'endroits comme ça. Fais pas semblant de lire, Mathieu. On sait, tout le monde sait que tu l'as vu. je l'ai vu, je l'assume. Et puis? C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Je dirais un bon... Le réalisme... C'est ça. Ouais, c'est agréable. Ouais, j'adore ça. Donc, ça a commencé au cinéma à Hong Kong jeudi et à Taïwan vendredi. Puis comment ça finit? Ah ben ça, les punchs, là, attends une minute, là. Je te dirais pas éponge de même. Là. Tu le loues. Malgré le fait qu'il a été mal accueilli par la critique, le film a eu du succès lors de son début à Hong Kong. Il a même attiré des touristes de la Chine. Le film pourrait voir une sortie en Corée du Sud et au Japon très bientôt. On parle même, il y a un buzz, qui dit que ça pourrait très bien sortir en Europe et aux États-Unis. Ouais, j'imagine, vu que c'est le premier. Ben, c'est ça. Vu que c'est le premier, et puis les gens qui ont une télé 3D veulent en profiter au maximum. Ils vont s'en acheter une juste pour ça, sûrement. Je pense que c'est l'affaire. On parle déjà de faire un remake en 3D du film pornographique très populaire de 1979, Caligula. Oh. On parle de faire ça en Italie. Moi non plus, mais je suis pas un fan comme ça. Non. Écoute. OK, bon, je me cache un peu, là. Il y a aussi un film qui va être produit par Hustler, en 3D, une parodie adulte de Avatar. Mais je pense que c'est une bonne façon pour contrer le piratage. Dans le sens où tu peux pas... Ben, j'imagine que tu peux le downloader, mais ça te donne rien parce que... Je sais pas, hein? Tu vas pas en 3D, Très bonne question, j'avoue. Excellente question, François. Mais c'est sûr que les écrans 3D sur ordinateur vont s'en venir aussi. Ouais, c'est clair. La plus courte performance à avoir été nominée pour un Oscar a duré seulement 2 minutes 32 secondes. Hein? Nomination pour Hermione Baddeley, qui était un rôle de soutien dans le film de 1959, Room at the Top. La plus courte performance à avoir gagné un Oscar a à peine deux fois cette durée-là. C'est Beatrice Straight, dans un rôle de soutien aussi, dans Network en 1976. Mais rôle principal et non de soutien, vous me demandez la question. Mais la plus courte performance gagnante d'Oscar pour un acteur dans un rôle principal n'était pas si plus longue que ça. L'honneur est allé à David Niven pour le film de 1958, Separate Tables, pour un rôle qui ne durait que 15 minutes 38 secondes. Hey. C'est pas beaucoup de travail pour beaucoup de mérite. Faut être bon. Faut être très bon. C'est pas obligé d'être long. C'est la qualité, non la quantité, François. C'est ça, toi? Ouais. C'est ce que t'as de long que t'as dit à tous les soirs. Le billet de 2$ américain est toujours en circulation, François, savais-tu ça? Non. Mais c'est un mythe que les gens pensent que c'est super rare. Tout le monde a l'impression que le billet de 2$ est pas en circulation aux États-Unis en ce moment. C'est vrai que seulement 1% des billets imprimés à chaque année sont des billets de 2$, mais il y a quand même... Il y en a encore, oui, il y en a encore. 1,161,091,458$, dans le fond, en valeur, de 2$ donc en circulation. Donc, tu divises ça par 2 et ça te donne le nombre exact. Je ne sais pas, par contre, je veux pas... Mais tu veux savoir le nombre exact de billets? Oui, c'est ça. Ben, vas-y. OK, c'est 1 milliard. Okay. Wow, t'as pas un matin. 1 milliard. Bon. Non. Non. 1 milliard, ça veut dire quoi? Ça veut dire 500 millions? C'est ça. 500 millions, on continue. Un petit peu plus que ça. 166 000. 166, ça veut dire 83. 91 000. OK, bon. C'est long, hein? Donc, le bureau, le US Bureau of Printing and Engraving, c'est eux qui s'occupent de l'argent là-bas. On produit 61 millions de ces billets de 2$ en 2005 seulement. Le fait est que seulement, vu que les billets de 2$ sont tellement en petite quantité, que bien des gens, dont les propriétaires de magasins et les clients dans les banques, non seulement ça, ils savent pas qu'ils existent, donc ils refusent ces billets-là. Ou encore, les gens ne le demandent pas à la banque. T'sais, ils demandent donne-moi des billets de 10$ et tout le monde oublie les 2$. Donc ils finissent dans une voûte à l'arrière de la banque et pas utilisés. Ils sont tout neufs, ils sentent le neuf. Oh ouais. C'est comme ça. Et il y a aussi un mythe qui dit que les billets de 2$ valent plus que 2$, donc les gens, ben, comme tu dis, les gardent pour eux. Pensant que ça vaut 3 ou 4$, et là, ils soudainement sont riches. Hein, je veux pas vendre mon billet de 2$. Ouais. Voilà. Mais c'est encore en circulation. Celui-là va vraiment t'impressionner. En tout cas, moi, c'est un de mes préférés aujourd'hui. Des foules gonflables ont été utilisés pour des films comme The King's Speech, le discours du roi, The Fighter, coup de grâce, Iron Man 2, Ocean's 13, pour économiser de l'argent. T'as-tu des photos? Oui, il y a des photos sur l'article sur assemblagerequis.com. Et il y a même une compagnie qui ne fait que ça. C'est l'Inflatable Crowd Company. Ça paraît-tu? Pas tant que ça. Il y a un lien galerie dans l'article, t'y revoir. Donc, ils sont en affaires depuis 2002. Ils font des foules artificielles de gens, de personnes, pour des gros films là, comme Seabiscuit. C'était leur premier, d'ailleurs. Même si la plupart de leur business vient de films qui parlent d'équipes sportives, là, t'sais, qui finissent par gagner à la fin. T'sais, qu'au début, on n'est pas sûr. Ce genre de film-là, là, le thème. Leur armée de doubles a aussi apparu dans des films comme American Gangster, Le Fantôme de l'Opéra, Frost and Nixon, Alvin and the Chipmunks. Hey, Alvin et les Chipmunks, toi? Ben, OK. Walk Hard et Bratz. Je viens de voir. Oui, puis? Je viens de voir. C'est intéressant. Oui, hein? Ouais, c'est intéressant. C'est sûr qu'il faut les habiller. Oui, ben exactement, c'est mon prochain point. Donc, les studios se sont tournés vers cette compagnie-là pour sauver de l'argent. Vu que ce serait trop difficile de les créer par ordinateur, ça coûterait trop cher. Donc, à partir de Seabiscuit, ils ont réalisé que des personnes gonflables fonctionnent mieux que des cartons. Justement, ben, pour la raison que tu viens de dire, si tu changes les angles de caméra, ça devient très, très, très évident que les cartons sont cartons. Ouais. Tu sais, les cartons sont placés vers les caméras et aussitôt que tu essaies de changer l'angle, là, soudainement, il faut que tu redéplaces tous les bonhommes de carton. C'est du travail. Donc, The Inflatable Crowd Company a au-dessus de 7000 personnes gonflables et pour les rendre plus, plus véritables, donc les employés les gonflent, leur donnent des vêtements, du maquillage, des perruques et même des masques. Donc, ils mettent des masques par-dessus. Donc, dans le fond, tu finis par plus voir le plastique du tout. C'est ça qui est l'idée de derrière la chose. Ah non, c'est vraiment bien, pour vrai. Là. Ça paraît vraiment pas du tout dans un film. En tout cas, retournez voir, comme je disais, King's Speech, Fighter, Iron Man 2, Ocean's 13 et un paquet d'autres films pour voir des foules de très, très, très loin. Évidemment, sont souvent à l'arrière complètement d'une scène. Donc, c'est bien normal qu'on, même si c'était des vrais gens, on s'en rendrait pas compte, t'sais. Non, c'est ça exactement. Mais pour les faire bouger, par contre, aha! Comment est-ce qu'on fait pour les faire bouger? Ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas, hein? Mm-hmm. Je sais pas. Ah non, les photos sont vraiment incroyables. Allez voir sur assemblagerequis.com. L'article s'appelle « Inflatable crowds of blow-up extra dolls ». Blablabla. Ça peut faire peur, ça. Mettons, le soir, là. Mm-hmm. Hein? T'as une poupée dans ta fenêtre. Non, non, mais tu sais, une foule, tu sais. Mettons, dans un théâtre ou... Ouais. Ben, en tout cas, c'est tellement bien fait. C'est vraiment incroyable. Ouais. Mais j'avoue, ça fait peur. Si tu commences à rêver à ça, c'est que tu aurais peut-être rêvé à des à la marionnette de Chucky. Chucky. Savais-tu que les enfants, les éléphants peuvent se parler, François? Non. Ouais, mais à une fréquence tellement faible que les humains ne l'entendent pas. C'est une forme de communication qu'on appelle l'infrason. Les scientifiques ont découvert que ces signaux des éléphants peuvent parcourir une distance de plusieurs milles, mais les humains ne pourraient les détecter qu'avec un équipement spécial. Ils travaillent aussi pour traduire les messages des éléphants en utilisant un spectrographe. OK. Les éléphants qui se parlent. Ben, j'aurais pensé, tu sais, quand ils font leur cri. Ouais. Mais non, je savais pas qu'ils parlaient tout bas. Intéressant. Et on termine avec un dernier qui, lui aussi, est pas bien intéressant. Et ça, je savais vraiment pas. J'aime ça apprendre des choses comme ça le matin. Plusieurs lumières de trafic sont en fait des boutons placebo. Tu sais, les boutons qu'on retrouve au coin de la rue qui disent « bon, appuyer pour traverser ». Pour les piétons. Là. Oui, pour les piétons. C'est des placebo. En tout cas, aux États-Unis. Je sais pas pour le Canada. Non, ça se peut. C'est vraiment bizarre. Donc, avec les lumières, dans le fond, qui sont rendues contrôlées par ordinateur, la lumière à marcher, donc le petit bonhomme, s'allume automatiquement sans que personne ait à appuyer sur le bouton. Plus spécifiquement, à New York City, les nouvelles lumières pour marcher n'ont même pas de bouton du tout. Des 3250 qui ont un bouton, seulement 750 ont un bouton qui fait quelque chose. Les 2500 autres ont été désactivés il y a des années, mais les gens appuient quand même dessus pour avoir l'impression d'avoir le contrôle de la situation. Moi, en tout cas, à Trois-Rivières, j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle des lumières. Non, mais je pense pas nécessairement pour avoir le contrôle, mais bien pour faire attendre les gens. Tu sais, si t'as pas de bouton, tu dis « Ah, ben, crime, y a pas d'auto, je vais y aller. » Tandis que si t'as un bouton, t'appuies, tu dis « Bon, j'ai appuyé sur le bouton, je vais attendre. » J'ai des sages et tout. Ouais. Moi, ce que je trouve vraiment, vraiment nul, particulièrement sur le boulevard des Forges, c'est quand, premièrement, bon, t'appuies sur un bouton, ça prend littéralement comme une bonne, un bon 6-7 minutes avant que la lumière change. Et de l'autre côté, je me sens mal quand, mettons, je passe sur le boulevard Jean 23 pour aller à la maison. J'appuie sur le bouton quand je suis tout seul. Mais c'est plate parce que c'est comme 30 secondes, 40 secondes que tu fais attendre tout le monde autour de toi, alors que toi, ça te prend peut-être 6 secondes de traverser la rue. Là. Mais t'as pas le choix parce que je connais du monde qui a eu des contraventions, mais ça peut pas en avoir. Oh oui, puis écoute, c'est là pour ça. Hein, c'est aussi bon pour une personne que pour 12. Ouais, puis un peu de patience, ça va te permettre de peut-être, je sais pas, envoyer un message texte ou refaire ton rouge à lèvres ou te décoter le nez. Ou simplement attendre. Oui, un peu de. Et respirer. On sait que quand tu respires, un quadrillon de messages dans ton cerveau. Voilà pour la colline, c'est un fait, François, il y en aura une autre bientôt. Merci, Matt. Demain, sûrement. Merci. Fort intéressant, celle-ci. Ah oui, bon. Non, mais sérieux, j'ai... Non, mais bon, c'est rarement pas... intéressant, on sait le cachera pas. Non, pas ça. C'est que des fois, il y a des faits plus ou moins intéressants, mais celle-ci était remplie de faits intéressants. Ce serait bien si je pouvais les placer en ordre d'intéressantivité. Ouais. Ben, tu le fais déjà un peu, non? Ouais, ben, j'essaie de finir comme il faut d'habitude, mais des fois, ça m'arrive de pas finir comme il faut. Bref, voilà pour cet effet, François. Yes, sir! Ça va faire les niaiseurs! Merci, bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et puis, je vais vous indiquer comment vous y rendre. Ça fait longtemps qu'on l'a... On va le demander aux enfants. Comment on se fait pour aller là sur la page Facebook du dîner de cons? On va sur cifou.ca! Et ensuite? On clique sur le dîner de cons! Quoi? On clique sur le dîner de cons! Et ça mène où, tout ça? Sur la page Facebook du dîner de cons! Bon, ben merci les enfants. Allez-y, là, les enfants, ils ont dit comment. On va vous présenter des logos. Si les logos disaient vraiment la vérité au lieu de juste faire la promotion de l'annonce ou de la marque. Très intéressant. Oui, c'est sur le site Designer Coach qu'un graphiste suédois, Victor Hertz, s'est amusé à détourner les logos de grandes marques mondialement connues. Et puis, l'idée de cette série de logos honnêtes révèle la vraie nature de la compagnie et le nom qu'elle devrait vraiment porter. Pas aussi sûr que finalement la compagnie change de nom, mais bon, on commence avec le logo de Facebook. Et puis, avec, bien sûr, le même font, les mêmes couleurs. Et ça nous donne procrastination. On a le logo de YouTube. Et ça s'appelle, toujours avec le même look graphique, Cat Video. Donc, des vidéos de chats. Hein? Très drôle. On a la compagnie Camel, compagnie de cigarettes qu'on connaît très bien. Cette fois-ci, on voit un chameau qui se porte pas si bien. Il est pas fort. La compagnie s'appelle Cancer. Au lieu de Camel, ouais. C'est très bien. Exactement. Ensuite, le beau logo de Nintendo. Le fameux rond rouge, là. Oui, un genre de rond avec le lettrage Nintendo bien connu. Maintenant, on l'appelle Nothing to Do. Au lieu de Nintendo. C'est bien. Ensuite, le logo de la belle compagnie McDonald's qui est transformé avec le gros M, les arches dorées, le MC. Et au lieu d'être McDonald's, c'est McDiabète. Mais tu ris, là, sauf qu'il y a un de mes amis qui a déjà travaillé au McDonald's. Oui. Et puis, il y a eu l'occasion de manger juste un pain à hamburger, okay, sans le contenu. Là. Même oui, pas oui, de juste... beurre, rien. Juste le pain. Juste du pain. Il dit là, que le pain des hamburgers au McDonald's est aussi sucré que du gâteau. Ben, ça goûte sucré. C'est très sucré, oui, oui. Ensuite, donc, le logo de quoi vous donner le diabète, n'est-ce tout pas? Tout à fait. Ensuite, le logo de MTV, qui est le même logo, sauf qu'au lieu d'être des sous qui sont écrits Music Television, eh bien, c'est Moronic Television. Je suis pas totalement en désaccord non. Avec ça. MTV Kill the Rock, man. Ouais, ben, c'est ça. Ben, MTV, c'est parce que c'est même plus de la musique. C'est que des télé-réalités, genre. Ouais, puis vraiment des trucs insipides, là, si vous voulez. Oh, mon avis. Oui. Genre, maman, il faut que tu demandes à ta mère de pour te matcher. Dater, là, ouais, avec exactement. Des hosties, des... Et puis, la dernière, eh bien, le logo de L'Oréal, compagnie de cosmétiques, eh bien, qui maintenant s'appelle Irréelle Apparence. Ouais, au lieu de L'Oréal Apparence, ouais, c'est L'Irréelle Apparence. Exactement. Donc, très, bien. Très, très intéressant, cette panoplie de logos détournés. Je vous suggère d'aller voir les logos aussi parce que visuellement, ils sont intéressants. Ben oui, oui, c'est pour ça que j'ai invité les gens à se rendre sur la page Facebook du Dîner de cons. Juste en partant, j'ouvre la page là, et puis il y a 3-4 bons vidéos là, qui valent la peine de le regarder. Ben, le premier en haut, le Wonder Bra Campaign Viral Perfect Strapless on Dailymotion. C'est magnifique. C'est beau, merci. Moi, je le regarde en ce moment en plus, là, en vous le disant. Je vous le dis, messieurs, mesdames aussi, ben oui, mais toujours intéressant de voir une jolie fille, autant pour les hommes que les femmes. Ben, en fait, tout le monde aime les jolies filles, même les jolies filles. Hein? Exactement. Donc, un trampoline installé en cabine pour tester le nouveau Wonder Bra. Oh, magnifique! C'est une bonne idée, ça! Ben oui, enfin des initiatives intéressantes! Donc, le Perfect Strapless est un soutien-gorge à coque sans bretelles. On aime ça, proposé par la marque Wonder Bra. Donc, et cette marque explique que son soutien-gorge tient bon tant que vous tenez debout. Un slogan mis à l'épreuve par la marque elle-même, puisque cette dernière a installé un trampoline dans une cabine d'essayage afin de le tester. Ainsi, grâce à la toile rebondissante, eh bien, les clients peuvent tester directement le bon maintien de leur kit offert par le Perfect Strapless et décident d'acheter un produit qu'elles savent efficace. Cette campagne de communication efficace et originale prouve une nouvelle fois que Wonder Bra sait faire de la publicité. Il y a quelques mois, la marque avait affiché ses nouveaux modèles en 3D. Oui. On se rappelle les affiches, on en avait parlé. Et moi, je vous invite à aller faire rebondir les filles dans la cabine d'essayage en pesant sur Play. Mais là, parlant de 3D Folution, là, il y a pour la première fois dans le monde, au Japon, la projection d'un film érotique 3D au cinéma. Là. Oh! Fait que là, t'es au cinéma, là, pis t'as dans, je veux dire, t'as déjà vu les effets 3D, là, t'as l'impression d'avoir la bébite en avant de toi. Là. Fait que oh, là, c'est pas oui. Des bébites, là, c'est des madames tout nues. mais peut-être autre chose aussi. Donc, ben oui, ça peut être sensible, n'importe quoi. Cœur sensible, s'abstenir. Là. Puis on sait qu'en plus, au Japon, ils ont des drôles de fétiches des fois. Oh oui, un peu. Ben, ils les ont tous. Hey, c'est hot parce que la campagne, en plus, je vous ai mis le petit vidéo. Ça commence, la petite campagne, la petite vidéo commence par... Plein de comédiennes ou d'actrices connues que leurs seins ont malencontreusement sorti de leur, leur kit. Donc, ça commence comme ça. Et puis après, ça nous montre justement que le Perfect Strapless, avec celui-là, ça n'arrivera pas. C'est assez drôle à aller voir. Je vous invite vraiment à visiter. C'est au début du vidéo là, qu'on oui, voit. Oui, au début du vidéo. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est bien intéressant. Des nip slips. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Salut Stéphanie. Bonjour. Dernière chronique malajubesque. Oui. Malajubesque. Oui, j'aime tellement mon intro. Oui, ben là, à un moment donné, tu dis dernière chronique. Là, c'est pas celle que tu voulais garder pour plus tard, éventuellement avec un plan secret dont on ne révélera les détails que plus tard. Ben, c'est pour ça que j'en parle pas. Ah, OK, ben moi non plus, je suis en train de seulement donner des indices. Donc, Stéphanie, ton plat favori cette semaine, c'est quoi ton coup de cœur? Oui, cette semaine, vu que c'est ma dernière, je voulais pas parler, puis je vais juste shooter trois chansons de suite. Bang, bang, bang. C'est ce qu'on aimait pas de ta chronique quand tu parlais, donc... Ah, vous êtes drôle, j'ai pas le goût d'en revenir, finalement. Manger de la colle. OK. Donc, on va entendre tantôt Smith Westerns, un groupe que j'ai découvert la semaine dernière. Pourtant, ils ont sorti leur album Dial Bond en janvier. Donc, je suis un peu en retard, mais je pense que je suis pas la seule. Je pense que tout le monde commence à découvrir un peu Smith Westerns. Ouais. On va commencer avec une excellente pièce de Death Cab for Cutie, leur premier clip pour l'album Codes and Keys qui sort le 31 mai prochain. Donc, on va entendre Death Cab for Cutie avec You Are a Tourist. Dans le bloc, ton plat favori de Stéphanie Gagne. Bye. will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong and an ass crack. Come on. I take bone alligators and little rattlesnakes, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner. Some calling me a winner. Janelle Monáe, la pièce Tightrope, qui est de son album The Arc Android, qui est sorti au mois de mai dernier. Hey, c'est la chanson d'une publicité qui joue à la télévision présentement. Laquelle? La Cruze. La Cruze? Ouais, de Chevrolet. En fait, vous avez jamais remarqué, non? Ouais, moi je savais. Okay. Je savais juste pas pour quelle pub, parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de publicités avec de très bonnes pièces. Ouais, beaucoup de publicités d'auto qui finissent par passer inaperçues parce qu'elles se ressemblent toutes. Vrai. Vrai. Non, mais avoue que les publicités d'auto, là, c'est rarement original. Ben, oh, non, mais la musique change souvent. Oui, la musique. Ouais, mais justement, tu retiens la musique, tu retiens pas la marque de l'auto. Là. Ouais. C'est vrai. Moi, j'ai retenu que c'était dans une pub de char, mais je savais pas laquelle. Il y a sûrement, dans cette publicité-là, j'imagine, si tu peux la décrire, sûrement un auto qu'on voit se promener sur une côte, sur une petite voiture. Non, en fait, non, c'est vraiment pas ça. En plus, c'est vraiment. Bref, t'as la voix partout, mais bref, on décortiquera pas la publicité de. Mais une chronique publicité pourrait être très intéressante ici à Assemblée. Ah, j'ai compris le message. Ouais, bon. une de ses amies. Peut-être, oui. Bon. Donc, Stéphanie, c'était ton plat favori à toi. Oui. Et merci pour tes trois pièces. De rien. Ouais. On va transitionner aux crudités de François-Olivier. Une crudité qui ne fitera certainement pas avec. Avec la pièce qu'on vient d'entendre. Non. Avec Janelle Monáe. Non, vraiment featuring pas. Featuring Big pas. Boy. Oh, boy. B-O-I. Ah, c'est ouais. B-O-I. Ouais. Ouais. Ah, sont originales. Ah, ben, à souhait. On les aime. Bon. Non, moi, le groupe, c'est Color Revolt avec la pièce Mattresses. C'est ça? Mattresses Underwater. Underwater. Et c'est très bon. Mais c'est vraiment slow. C'est vraiment slow. Il y a vraiment pas de rip. Autant que dans ta pièce. Ah! N'est-ce pas? Ben, il y avait beaucoup de rythme okay, dans ta pensais, pièce. Ok, je pensais, ok. Ben oui. Contrairement à, dans le fond. Oui. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on écoute? Ouais, ben oui, ben, j'aimerais ça. C'est très bon, en fait, c'est un groupe du Mississippi. Donc, allez voir ça. Et puis, si vous aimez ça, je pourrais vous en reparler un peu plus tard. Puis, Stéphanie, t'as pas de réaction à ça, ça va? Non, j'attends d'entendre la pièce. Okay. Je veux pas juger avant quand même. Ah, ben, Colin, t'es sage. Oh! Wow! Et sage. Ça ressemble à ça. Moi, j'aime ça à date. Ah, c'est très bon. Vous êtes à Assemblage Requis. places. Some of us can't face it, and even though we see it, we just swear God's sleeping. Revolt avec la pièce Mattresses Underwater. Donc voilà, c'est un groupe de Mississippi qui fait du indie rock quand même assez slow, comme vous avez pu remarquer là. Ouais. C'était pas aussi slow que je pensais, par exemple. Non. Parce que moi, la chanson que je vous parlais là, de Patrick Watson, c'était slow. C'est laquelle de Patrick Watson? C'est avec Cinematic Orchestra, c'est To Build a Home. vraiment tranquille, tranquille, tranquille. C'est bon, Patrick Watson, j'aime ça. Mm-hmm. Il a tellement une belle voix. Là. Oh, un beau style. Ouais. Beau style. Toi aussi, François. Merci. Avec tes crudités qui accompagnent le plat favori de Stéphanie. Moi, je vais rapidement, très, très rapidement, parce qu'on veut parler tantôt de d'autres affaires en fin d'émission. Mais il y a une nouvelle compilation des Frères du Son qui va être lancée très bientôt. Donc, c'est mon petit dessert à moi, volume 2. Ça va être le samedi 30 avril que ça va être lancé à 21h au Bistro In Vivo. Il va y avoir en performance Lack of Sleep. Et ça, c'est Charles Lavoie de Beth Olivers et Franny Older de Random Recipe. Ooh. Oui. Il y a aussi Antoine Corriveau, The Vasts, Chartier Plus 4 et Le Couleur. C'est eux qu'on va entendre, donc, de la compilation volume 2 des Frères du Son qu'on a très, très hâte de télécharger. La première est encore disponible gratuitement sur lesfrèresdusson.com. Et là-dedans, il y a plein de bonnes affaires, dont Vanessa Parietta. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bons groupes dans cette compilation. Donc, la deuxième m'excite beaucoup. On va écouter rapidement Bonne Aventure de Le Couleur. Et puis, on revient après à Assemblage requis sur C'est Fou 80 FM. Présentement, les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Si on y va avec des nouvelles dans le monde de l'insolite, eh bien, je vous parlais d'un homme qui construit une machine géante en Lego. C'est un utilisateur de YouTube qui a dévoilé cette machine géante en Lego composée de 20 modules. Les petits ballons utilisés effectuent un voyage sans fin sur cette incroyable structure. Il s'appelle Aki Yuki, un utilisateur justement de YouTube, sûrement son nom de compte, là, parce que... Son nom de code. Ouais, parce qu'ils n'ont pas de nom de famille, tu sais, j'aurais pu dire tous les noms existent, mais quand on dit juste un nom comme ça de chaîne, tu sais, un peu comme tu pourrais t'appeler. Mais c'est probablement un pseudonyme, en pseudo, effet, c'est ça que je cherchais. Vas-y. Oui, mais on sait que c'est pas tout le monde qui aime voir leur vie personnelle comme ça dévoilée au grand jour. Justement. Il a réussi à mettre en place une incroyable machine de Lego inspirée des machines de Rube Goldberg. Rube Goldberg, là, je vous ai... C'est pas lui qui faisait l'espèce de squelette marchand, là, sur la plage, là, il fait des... Non, lui, Rube Goldberg, il est né en 1883. OK, on parle pas de la même personne. À San Francisco, mort le 7 décembre 1970 à New York. C'était un dessinateur juif américain spécialisé dans le dessin de presse politique comme l'humour ou la bande dessinée. Il a été également scénariste au cinéma, romancier, inventeur, sculpteur et ingénieur de formation. Mais où on l'a connu beaucoup, Rube Goldberg, c'est lui qui a fait des machines, on appelle les machines de Rube Goldberg. C'est ces machines qui font des tâches simples, mais de façon complexe. Un peu à la Mousetrap. Est-ce que tu te rappelles de ce jeu, un jeu de plateforme un peu comme Monopoly, mais Mousetrap, ça te dit-tu quelque chose? Ouais, ben je pense que je comprends le principe, là. C'est un peu... c'est des réactions en chaîne, finalement. Ça rebondit, ça patente, qui cogne l'autre affaire. Un peu comme Incredible Machine, là. Exactement, on a vu ça dans les jeux vidéo, les dessins animés, les films aussi. Un peu le même principe aussi que les dominos, là. Ouais, exactement. Ou t'sais, même, à la limite, Roger Rabbit qui arrête pas de se péter la gueule d'un morceau à l'autre. Tout à fait. Ou justement, les machines de Will He Coyote aussi, des fois, qui peuvent être faites comme ça. Oui. Boum, il y a une roche qui tombe, fait partir, fait allumer le ventilateur. Etc. La voile qui avance. Tu comprends? Ce qui est très drôle. Donc, c'est lui qui a inventé ça, Rube Goldberg. C'est pour ça, quand on dit du type machine de Rube Goldberg, c'est qu'il aimait faire des dessins comme ça de machines qui réalise des tâches simples, mais d'une manière délibérément complexe. Parfait, merci beaucoup. C'est quand même assez intéressant comme culture générale. Merci, Danny. Ce qu'on oublie de nos jours, la culture générale, ça ne vaut plus rien. Ouais, mais c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Personnellement, je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes chez une personne que tu rencontres. Là, quand tu vois, ça paraît quand la personne a beaucoup de culture. Tu peux parler d'un peu de n'importe quoi. Ma maman disait, la culture, c'est comme le beurre de peanut. Moins t'en as, plus tu l'étends. Oh! Enfin, voilà pour la culture. Je suis bien d'accord avec ta maman. C'est ça. Cette vidéo est déjà sur la page Facebook du Dîner de cons, si ça vous intéresse. La description de la vidéo est aussi longue que complexe, comme sa machine. Il l'explique longtemps. Il explique justement avoir réalisé lui seul les 20 modules de la machine. Et celle-ci est constituée de 20 modules GBC, Great Ball Contraption, qui permet de faire voyager des ballons. Et chaque partie de la structure a été réalisée séparément puis assemblée afin d'obtenir cette machine géante. Akiyuki affirme s'être inspiré pour ses différents modules de construction. Donc, par d'autres fans de blocs Lego, il s'est inspiré d'eux, il l'a dit. Ben oui, mais on sait qu'en blocs Lego, il se fait beaucoup de choses. Exactement. Et la complexité de cette structure lui a certainement demandé une quantité énorme de travail. Malgré le fait que les quelques ballons se soient perdus en route, cette machine reste impressionnante à voir et je vous invite à visiter le Dîner de cons, la page Facebook du Dîner de cons. Mais ça me rappelle aussi un peu, Danny, je sais pas si tu te rappelles, on avait posté sur la page Facebook du Dîner de cons au début de la session un vidéoclip. C'était un vidéoclip d'un artiste qui faisait de la musique. Je me rappelle que c'était un peu pop ou électro. Là, oui. C'était toutes des réactions en chaîne comme ça dans un grand studio, les boules de bowling qui déboulaient. Est-ce que tu te rappelles? Exactement, oui. C'est exactement cela. Tu te rappelles du vidéo en tant que tel? Oui. Ça ramène... Ça aussi, on l'avait mis sur la page Facebook. C'était très intéressant, ça aussi. Peut-être qu'on pourrait le retrouver et le remettre au bout du jour. Et puis, tant qu'à être là, sur la page Facebook du Dîner de cons, je vous invite à aller voir une publicité. Peut-être que vous l'avez vu hier. Moi, je l'ai vu aussi à la télé. Mais comme on n'était pas en onde hier midi à cause des autres cons qui utilisaient notre case horaire. Le débat des cons. Désolé, c'est pas vrai, là. C'est des blagues. C'est une farce très... On faisait un parallèle avec notre émission, voilà. Exactement. Notre connaisseté. J'aime ça quand t'inventes des mots, c'est très poétique. J'aime ça inventer des mots, j'ai toujours trippé ça. Donc, c'est Bic qui fait une magnifique pub de curling. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le curling, ah oui. Oui, ben Bic. Les rasoirs et les lighters, et tout ça, les stylos, voilà. Tout ce qui est jetable en plastique. Donc, qui fait une pub, je vous l'explique rapidement. La pub commence de façon très intense. Un homme est dans la douche. On voit que c'est un sportif. Tu sais, il est nu, premièrement. Musclé. Nu, la vapeur dans la douche. Tu sais, c'est beau, c'est graphiquement très photographique, disons. Et là, ça commence, la musique. Le gars, tu vois, il se rase, puis tout ça, là, tu vois, il arrive sur le terrain, sur la glace de curling. Oui. En maillot avec... En maillot. En maillot, oui, tout simplement, habillé d'un maillot. Et puis, arrive, là, tout le monde se prépare à regarder le curling. Mais là, tu vois que le gars, il se couche à terre. Et puis, il a une poignée dans le dos. OK. C'est lui, la pierre, finalement. Et seigneur, c'est quand même assez original. Oui, c'est pour montrer le rasage de si près du Bic. Et puis, bien sûr, au point que tu vas glisser comme exactement. Une pierre. Et puis là, tu vois l'équipe, mettons, l'équipe canadienne ou peu importe l'équipe, qui lance sa pierre. Donc, le gars, la tête en avant, les lunettes. Et puis, qui vient frapper sur l'autre pierre, qui était un gars aussi. Wow. La pub est très, très belle. Allez voir ça, ça vaut la peine. C'est original, quand même. Oui, très original. Surtout pour une pub de curling. Oui, exactement. T'sais, c'est rare que le curling est très au goût du jour. D'habitude, ça va être du snow, mais du skate. Je pense d'ailleurs, je note que c'est la première fois qu'on parle de curling ici à l'émission. C'est voilà. Assez rare qu'on parle de curling au Dîner de cons. Et puis, tiens, on va y aller avec une dernière, un sujet qu'on a déjà parlé, celui-là, au Dîner de cons. De la cocaïne dans des ananas et des bananes. Ah, une nouvelle chose, là. Ils ont trouvé une nouvelle façon de la cacher. Ou peut-être c'est des ananas qui produisent de la cocaïne. Et seigneur, tu croises le plan là, de coca avec un plan d'ananas, ça te fait des pizzas mais hawaïennes assez dynamites, merci. Des roches d'un poudre sucré. Oui, exactement. Non, mais comment, là, ils ont caché ça dans le fruit? Ben oui, là. C'est mercredi, donc dernier sûrement, oui, que la police équatorienne a trouvé près d'une tonne de cocaïne. Une tonne? Oui, donc 1,3 tonnes de cocaïne que la police équatorienne a saisie sur un bateau au départ de Guayaquil pour l'Europe. Et selon Edmundo Mera, chef de la police, eh bien, la cocaïne a été retrouvée dans des ananas qui devaient être renvoyés en Belgique et des bananes à destination de l'Espagne. En enquête, donc, actuellement en cours, et deux hommes ont déjà été arrêtés quelques jours avant cette saisie. 289 kilos de cocaïne avaient été déjà découverts dans des caisses de bananes en partance pour du même port. Et puis, lors de leur recherche, les policiers ont pu observer deux méthodes pour cacher la drogue. Donc, placer les sachets au fond de la caisse et mettre des fruits par-dessus ou insérer la drogue directement dans les fruits. Au total, ce sont 9 tonnes de drogue qui ont été saisies en Équateur depuis le début de l'année. 9 tonnes. 9 tonnes. Depuis janvier. Puis ça, c'est ce qu'on a saisi. Imagine, là, tu mets imagine ça... ce qui passe. Ouais, exact. Mais mets tout ça là, dans une genre de grande piscine. Là. Ça te fait une genre de grande piscine pleine puis de... Puis invite Aerosmith, puis tu fais un méchant party. Exactement. Aerosmith. D'ailleurs, j'écoutais les albums, les premiers, dans le fond, le début, milieu de début de carrière d'Aerosmith, mettons. Vers quelle année, mettons? Ben, mettons les années 74, 75, okay. Là, on parle, mettons, de Toys in the Attic, puis Rocks, là, des oui. Excellents albums d'Aerosmith, puis moi, pour moi qui connaissais plus comme I Don't Wanna Close My Eyes, tu sais, de la soundtrack du film Armageddon, là, tu sais okay. Quoi, ça a fait quand même un beau contraste. Je fais, OK, OK. Ben, c'est meilleur. Ben là, c'est plus rock. Ça se compare pas vraiment, là. L'autre est définitivement, je veux dire, Armageddon. Édulcoré. Édulcoré, c'est de la pop, il y a rien de rock là-dedans, voilà. Donc, si vous voulez écouter du Aerosmith, vous allez devoir vous tourner vers le passé, je crois. Oui. Puis Steven Tyler, qui est rendu juge à American Idol, ce qui fait officiellement de lui un has-been. Donc voilà, le sujet est clos. Et oui, il a été préféré de loin à J-Lo. À J-Lo. Jennifer Lopez. Oh, tout là. Le monde, parce qu'elle était supposée comme la vedette. Et puis, ben, notre monsieur Tyler est arrivé. Et puis, avec un sens de l'humour de rocker, un peu pince sans rire, un peu trash, eh bien, il a fait, tout le monde n'en a deux yeux que pour lui. Ben, je comprends bien. Mais en fait, Steven Tyler, moi, personnellement, je trouve que c'est un personnage du rock qui est assez drôle et intéressant. Mais bon, je sais qu'il est très contesté aussi. Ouais, tout à fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Que des faits. Que des faits. Selon les internets. Selon les internets. Fais bien le préciser. Parce que c'est souvent très très court et pas tout à fait détaillé pour certains d'entre eux. Donc à un moment donné, hein, faut les croire. C'est sur internet, donc c'est vrai. Commençons par l'endroit le plus profond sous l'eau. Okay? OK. Du monde entier, l'endroit le plus profond sous l'eau. Moi je dirais c'est dans le Pacifique. OK. Non. C'est dans les Philippines. Ah. OK. Bon, je ne pourrais pas dire. Donc, cet endroit est à 34 440 pieds ou 10 497 97 mètres sous le niveau de l'eau. Et c'est aussi, on l'appelle le Philippine Deep ou la Mindanao Trench. Donc, la Philippine Deep est au fond de la mer des Philippines. D'accord? Et le bateau allemand Emden s'est promené là en 1927. C'est lui pour la première fois qui a découvert la profondeur de l'endroit. Donc, la partie la plus profonde du monde dans l'océan, c'est le Marianas Trench. Attends, ça dit... De l'océan, c'est ça? Ouais. C'est à 11 000 mètres sous le niveau de l'eau. 11 000 mètres, c'est 11 kilomètres, là? Ouais, c'est ça. Donc, c'est énorme. Plus que celui au fini. OK. Ouais, c'est ça. Donc, les Philippines, c'est le deuxième endroit. Et le Marianas Trench dans l'océan, à 11 000 mètres, ça, c'est le plus profond. Ouais. C'est énorme. Mmh. C'est énorme. La pression que tu dois avoir à cette distance-là, mmh. ça doit être incroyable. Ouais. On a parlé de la BBC qui, en 1930, ils annonçaient qu'il n'y avait pas de nouvelles ce jour-là. Et tu dois pas de nouvelles, bonne nouvelle? Ben, c'est ça, en fait. C'est qu'en 1930, la BBC commençait à développer son propre service de nouvelles parce qu'avant, c'était Reuters et d'autres compagnies qui fournissaient les matériaux crus, donc dans le fond, les vidéos, les textes, les nouvelles en tant que telles. Mais après 1930, la BBC qui formait sa propre salle de nouvelles a décidé de pouvoir éditer ça, faire son propre découpage, faire ses propres reportages en tant que tel avec le matériel de la Reuters. Bref, ils ont installé leur agence de nouvelles. L'équipe éditoriale a presque doublé en 1930 et là, ils avaient les mains pleines. Beaucoup trop d'informations n'arrêtaient pas d'arriver partout des différentes branches du gouvernement. Il y avait surtout des annonces officielles. Par exemple, on a des affaires par rapport aux vacances de Noël ou peut-être des avertissements par rapport au trafic. C'est un peu comme on reçoit assez fou ici avec les routes barrées. Puis, ouais, ouais. Des affaires comme ça, tu sais, qu'on diffuse pas parce qu'il y en a beaucoup trop, des affaires comme ça. Mais à la BBC, en 1930, ils commençaient, donc ils diffusaient tous les messages que tout le monde leur envoyait. Et là, ils commençaient à avoir vraiment les mains pleines de ces avertissements officiels-là. Donc, ils ont dû créer une tranche horaire différente juste pour ces annonces-là du gouvernement et de d'autres. Bref, le gouvernement a commencé à vouloir exploiter les vraies nouvelles à ce moment-là. Donc, en 1930, le soir avant le Vendredi Saint, la Maison-Blanche voulait tellement parler de quelque chose, une entrevue avec je sais pas trop qui. Donc, il savait que les journaux allaient pas être publiés pendant le Vendredi Saint, mais il savait que la BBC travaillait quand même. Donc, ils ont envoyé ça à la BBC pour essayer de faire passer leur message. Mais 24 heures après, par contre, les nouvelles ont commencé à arrêter. Je sais pas si c'était à cause du congé, probablement. Il se passait plus grand-chose. Donc, la BBC a passé un message qui disait « There is no news ». Et là, ils ont fait jouer du piano. Du piano. There is no news. Bonne nouvelle, comme tu dis. Hein? J'aime ça, moi. Bon. J'aime bien ça. Les voitures blanches ont 10% plus de chances, moins de chances par contre, excuse-moi, 10% moins de chances de faire des accidents que les autres couleurs. OK. Okay. Pendant le jour, quand il fait soleil, les voitures noires ont 12% plus de chances de faire un accident que les voitures blanches. Les voitures grises ont 11% plus de chances. Les voitures argent ont 10% plus de chances. Et les bleus et rouges ont 7% plus de chances. Au lever et au coucher du soleil, la différence entre le blanc et les autres couleurs est encore pire. Donc, les voitures noires, sous ces conditions-là, dans le fond, au lever et au coucher du soleil, ont 47% plus de chances que les voitures blanches de faire un accident dans les mêmes conditions. Selon une étude de Monash University en 2007. C'est logique quand même, une voiture noire, c'est moins visible, même si c'est des lumières. Oh, oui, oui, c'est sûr. Ça a bien du sens, je trouve. Une photo prise à Disney World a vu un couple 17 ans avant même qu'ils se rencontrent. Hein? Ouais. Alex et Donna Voutisinas croyaient que la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'est quand ils travaillaient ensemble dans le même hôtel. Mais en fin de compte, non, ils étaient à quelques pieds l'un de l'autre à Disney World quand ils étaient tout petits enfants. Ils ont réalisé ça quelques jours avant leur mariage en cherchant des photos de bébés qui allaient être utilisées pour la réception. Donc, en regardant une photo de la famille de Donna prise à Disney World, Alex a vu son propre père pousser une poussette à l'arrière-plan. Et en fin de compte, donc, les familles du mari et de la femme prenaient des vacances le même jour au même endroit à Disney World et ils ont la photo pour le prouver. Mon les petits! Mon est très petit. Mon les petits! C'est assez spécial. Ben quand même. Un autre cas spécial, un homme sous qui a essayé de se promener sur un crocodile et qui a survécu. Il était sorti dans un bar australien. Wow. Il s'est fait jeter dehors de ce bar-là parce qu'il était trop sous. C'est Michael Newman, 36 ans, qui a eu une très très bonne idée. Pourquoi ne pas aller au zoo? Hein? Et là, Newman a décidé que ça pourrait être amusant de se promener sur Fatso, le gros crocodile de 16 pieds d'un parc pour animaux. Je ne sais pas si c'est un zoo ou un parc. En tout cas, bref. Donc, immédiatement après s'être assis sur la créature de 1800 livres, cet imbécile... A découvert Mathieu, c'est l'article, ça. L'article. Qui lui manquait une grosse partie de sa jambe. L'homme, par contre, a survécu. Il s'est rendu, j'imagine, en boitant au pub, au bar qu'il avait jeté dehors plus tôt dans la soirée. Le propriétaire du parc d'animaux a dit que Newman serait probablement mort si les températures froides de ce soir-là n'avaient pas rendu le crocodile un petit peu moins vif. Alerte que d'habitude. T'as vu, un petit peu lent, ça. Donc, sinon, il serait sûrement mort. Donc, heureusement pour le gars, il n'est pas devenu une des deux personnes qui meurent par année à cause d'un crocodile en Australie. Deux personnes par année. C'est une bonne moyenne. Ouais. C'est dangereux, voyons donc. C'est pas parce que t'es sabre. Ben non, mais c'est ça, qu'est-ce qui fait dire ça? Ben, quand t'es sabre, tu fais ça. Un gars, c'est un génie. Un bel imbécile, comme disait l'article. Un blackout dans les Philippines, on revient aux Philippines, a été causé par une méduse. OK. Oui. En fait, plusieurs méduses. En 1999, l'île des Philippines, l'île de Luzon, a eu un gros blackout, là, donc plus d'électricité ou quelque chose comme ça, parce qu'un groupe de méduses avait rempli les tuyaux de la Sewell Power Station. Dans le fond, les gens là-bas pensaient que c'était peut-être le bug de l'an 2000 qui avait frappé un petit peu trop tôt. Mais non, en fin de compte, c'est que 50 camions de méduses ont été relâchés par accident dans l'eau. Et donc, je sais pas, ça a causé un blocage dans un tuyau. Je sais pas trop comment ça s'explique autre que ça, mais c'est des méduses dans un tuyau qui ont empêché l'électricité de faire ce qu'elle avait à faire. Bizarre. Bizarre. Eh bien. Sinon, le créateur du chocolat Hershey était supposé mourir. Ah oui, il est supposé mourir parce qu'il était supposé être sur le Titanic. Ah ouais? Donc, heureusement pour lui, Milton S. Hershey, sa femme est tombée malade avant de pouvoir partir en voyage. On ne sait pas si c'est parce qu'elle avait mangé trop de chocolat, dit l'article, c'est pas drôle. Donc, les Hershey ont dû changer leur plan et tant mieux parce que, bon, on sait que le bateau a péri le 15 avril 1912, enlevant la vie à 1500 des 2200 passagers à bord de ce Titanic-là. Les États-Unis paient pour faire un remake de Sesame Street. Okay. Sésame, là, Elmo et les autres, là, ouais. Qui va être diffusé au Pakistan. Pakistan, c'est un endroit où il y a bien des enfants qui n'ont pas accès à l'école régulière, qu'on prend pour acquis ici dans l'Ouest. Bref, l'émission, le programme Sim Sim Oumara est développé pour essayer d'augmenter l'éducation dans ce pays-là. À l'origine, une version de l'émission Sesame Street a été diffusée au Pakistan par les années 1990, mais ne pouvait être compris que par le petit pourcentage de citoyens qui étaient au courant de la culture de l'Ouest. Parce que, évidemment, dans Sesame Street, ça parle de trucs américains, c'est pas nécessairement tout à fait compréhensible. Tu sais? Tu comprends, Jean? Ouais. Donc, ça nous dit que cette version est filmée de zéro, donc avec leurs propres personnages, leur propre langue ourdou et les intérêts locaux. Donc, évidemment, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Sesame Workshop produit aussi d'autres adaptations de Sesame Street. Il y a Plaza Sésamo qui est produit au Mexique, Gali Gali Sim Sim en Inde et Takalani Sesame en Afrique du Sud. Il y a même une version israélienne et une version palestinienne de Sesame Street. Oh. Il nous en reste deux petits derniers, on va se dépêcher. Là. Michelangelo, tu te rappelles, le peintre de la chapelle Sistine. Je pensais que tu parlais du Tortue Ninja. Ouais. Non, malheureusement, peut-être un autre fois. Donc, il détestait la peinture. OK. Et pourtant, c'est lui qui a peint la chapelle Sistine. Bizarre. Donc, je t'explique. Donc, il considérait que la peinture était une forme d'art très inférieure en comparaison à la sculpture. Il croyait que peindre était vraiment une grosse perte de temps, surtout la peinture à l'huile qui n'était que pour les femmes. Ça, c'est le genre de commentaire qu'on aime beaucoup. Hein. Les paysages, non, mais sans blague. Et les paysages, il trouvait que ça devrait être interdit de peindre des paysages. Ses opinions, là, très beau. Donc, quand même drôle, considérant que Michelangelo a été donc engagé pour peindre tout ce qui deviendrait célèbre plus tard. Dans le fond, c'est fresque de la chapelle Sixtine, la scène de la Genèse sur le plafond. Et c'est quoi The Last Judgment? C'est le jugement... Dernier. Dernier, voilà. Donc, sur le mur... D'où des œuvres les plus connues dans le monde. Pas si mal pour un gars qui, dans le fond, préférait travailler avec de la sculpture. Par exemple, ses créations, la Pietà et le David. Et on termine avec les raisins et les raisins secs qui sont du poison à chien, ça, finalement. Moi, je savais pas ça qu'il fallait pas donner ça aux chiens. On savait pour le chocolat, on apprend souvent, bon, avec le temps, que t'es pas supposé donner du chocolat à un chien, c'est pas bon pour lui. Tu savais peut-être ça, peut-être ouais. Pas aussi, bon. Bref, on nous dit qu'il faudrait ne pas donner de raisins ou de raisins secs, qu'ils soient achetés d'un magasin, qu'ils soient poussés à la maison ou peu importe. Les chiens vont devenir malades si on leur donne ça. Donc, les chiens ne peuvent pas les défaire. En fait, c'est leur système digestif qui ne peuvent pas détruire ces choses-là. Oh, ouais. Et ça peut causer un problème de foie. Après en avoir avalé un raisin ou un raisin sec, un chien va typiquement vomir ce qui n'a pas été digéré jusqu'à maintenant, ou il va avoir de la diarrhée jusqu'à temps que le raisin puisse passer. Les symptômes de l'empoisonnement pour un chien, il y a entre autres la perte d'appétit, la diarrhée comme on a dit, la léthargie et des problèmes des maux abdominaux. Ces problèmes-là pourraient persister pendant plusieurs semaines après avoir mangé ces ingrédients-là interdits. Les vétérinaires qui testent les chiens après avoir mangé des raisins ont trouvé un niveau élevé de calcium, de nitrogène, de créatinine et de phosphore dans leur sang. Ce qui indique qu'ils commencent déjà, donc après quelques raisins, je ne sais pas si c'est un ou plusieurs, mais ils commencent à développer presque instantanément un problème de foie. Surprenant. Ouais. Donc, c'est un effet secondaire. Un autre effet secondaire, oui, après avoir mangé des raisins pour un chien, c'est que le chien va produire moins d'urine. Et quand les chiens, ça je ne sais pas ça non plus, quand un chien ne produit pas assez d'urine, il meurt. Hein? Je savais pas ça. Moi non plus. Ouais. Donc, gardez les raisins et les raisins secs loin de votre chien. Et aussi les noix de macadamia, là, tu sais, les macadamia nuts. Et les oignons aussi qui sont pas bons. Et on a déjà parlé du chocolat. Donc, c'est la liste de choses à ne pas donner à votre chien. Ah, mais crime, c'est bon à savoir. Des fois, on se dit, il mange tout, tu sais. Oui. Mais ben faut pas. Oui, il va sûrement le manger, en fait, ton raisin. Il va faire, oh, il y a des raisins. Oh, ouais, mais il va le regretter plus tard. C'est ça. Et peut-être vous aussi. Peut-être. En fait, je pense que. Souhaitons-le. Vous, vous et le chien du même niveau. Parce que c'est pas le fun. Surtout pas le matin. Non. Ou d'entendre parler de ça le matin aussi. Mais bon. Voilà pour la chronique, c'est un fait, François et Vimer. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Oh, plante. Cousinier. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Ici, amnésique. Non, c'est pas moi. Il pensait être un Grec de 25 ans alors qu'il est un Italien de 31 ans. C'est quand même assez drôle. Une fois comme ça, je croyais être une pieuvre. Ah. Juste comme ça. Il y a 8 mois, un homme est sauvé de la noyade alors qu'il nageait près de Palm Deira, d'une île artificielle en forme de palmier en construction à Dubaï. Tu sais, on les a déjà vus, ces photos-là. Oui. C'est magnifique, mais bon, c'est beaucoup d'argent. Hein? Amené dans un hôpital psychiatrique, l'homme souffrait alors d'amnésie partielle et était persuadé, s'appeler Andreas Konstantinis et être un footballeur grec de 25 ans. C'est quand même assez drôle. Après plusieurs mois de traitement et d'efforts, il s'est finalement souvenu de l'hôtel où il résidait et avait découvert dans l'eau... Hein? Et avant d'être découvert, pardon, dans l'eau, permettant à la police de découvrir son passeport, finalement, l'homme retrouvé au large des côtes de Dubaï est un Italien de 31 ans s'appelant Andrea Percora. Il explique donc toute cette histoire dans le National. Je le cite, ce journal. « Nous avons jamais perdu espoir. On savait qu'un jour nos efforts seraient récompensés. Alors que nous avons mentionné plusieurs noms de sa famille, il s'est tu et a commencé à réfléchir. On voyait que cela signifiait quelque chose pour lui, même s'il ne pouvait pas les restituer. » A expliqué le chef d'enquête criminelle de la police de Dubaï et non, pardon, le quotidien. La mère d'Andrea Pecora a été très étonnée de savoir que son fils était à Dubaï alors qu'il était censé travailler en Afrique. Son frère devait venir le chercher prochainement pour le ramener en Italie. Ah, ouais. Mais c'est drôle, hein, quand même. Comme ça, il est allé se baigner, puis il a été pris en mer, puis il a avalé 2-3 gorgées de travers. Fait qu'il a perdu la mémoire. Ouais. Hey, ça rimait ça, hein? presque. Quasiment. Il veut gravir l'Everest à 82 ans. Excellente idée. Pourquoi pas? Hey, tant qu'à ça, pourquoi pas faire du bungee à 160 ans, là? Il a 82 ans, mais n'a pas l'intention de raccrocher les pointes. L'ancien ministre des Affaires étrangères népalais, Shailendra Kumar Upadhyaya, a également été représentant permanent au Népal auprès de l'ONU dans les années 70 et 80. En effet, il a annoncé, donc par le biais des organisateurs de l'expédition, qu'il allait tenter de gravir l'Everest. S'il y parvient, il deviendra l'homme le plus âgé à avoir atteint ce sommet, donc situé à plus de 8848 mètres. Presque 9 km, mais par en haut, en vertical. C'est très, très, très haut. On sait que dans les profondeurs sous-marines, à cette profondeur-là, la pression est telle que vous auriez la taille d'un 10 sous environ. Là. Donc, imaginez, dans le sens inverse, ça se dilate la rate. Là. L'actuel recordman étant Min Bahadur Sherchan, un autre Népalais, bien oui, c'est sûr, on les connaît, les Sherpas, hein, qui avait 76 ans au moment de son ascension, okay, il y a 3 ans. S'il a réussi à 76 ans, bon, peut-être que l'autre à 82 va réussir. Je crois que j'ai parlé un peu vite. Mais on ne sait jamais. 82 ans à l'Everest, ça n'a pas de bon sens. Il court à sa perte. Mais bon, on sait que les Népalais ont toujours vécu en haute altitude, ce qui fait qu'ils ont plus de globules rouges dans les le sang. Des gros poumons. Des grands poumons, exactement. Puis que leur sang transporte énormément d'oxygène au point que lorsqu'ils se retrouvent au plancher des vaches, ils se retrouvent comme mal à l'aise. Ils ont trop d'air. Ils se noient dans l'air. Oui, exactement. Ils ont un problème d'hyperventilation, vraiment. Puis ils se sentent noyés dans l'air. C'est assez drôle, merci. Donc, Shailendra Kumar Upadhyaya a expliqué vouloir faire cette expédition pour prouver que les personnes âgées sont également capables de grands exploits. Je le cite, l'alpinisme est souvent associé à la force physique, mais il faut être fort mentalement pour réussir cette ascension. Je veux prouver que les personnes âgées comme moi sont capables de telles performances. Aussi, l'homme se moque des sceptiques et reste persuadé d'y arriver, comme il l'a expliqué ce week-end aux journalistes relayés par l'Association France Presse. Quand je dis que je voulais gravir l'Everest, eh bien, les gens ne m'ont pas cru. Eh bien, je suis bien décidé à atteindre le sommet. Depuis le début de l'ascension, aura lieu le 28 avril prochain. C'est très bientôt. Et l'ancien ministre débutera son ascension donc depuis le camp de base de l'Everest. Et pour l'occasion, il sera accompagné par 5 guides et Sherpas. D'après les organisateurs, l'expédition de l'Everest des citoyens seniors, l'homme s'est bien préparé puisqu'au cours des dernières années, il a gravi le Mera, qui est quand même situé à 6 467 mètres. Quand même assez impressionnant. À ne pas dénier. Oui. Le Island Peak à 6160 mètres, deux sommets de la région de l'Everest. Quand même assez intéressant, cet homme. Et puis, ben justement, repoussons les limites, pourquoi pas? Ben oui, naturellement. Et puis, on lui souhaite la meilleure des chances dans son ascension. On sait que c'est un exploit assez impressionnant. Merci, gravir ce plus haut sommet du monde. Ah oui, exactement. Ici, une étude que j'aime bien et que j'ai déjà testée à quelques fois, et je suis sûr que toi aussi, nous indique que les jurons réduiraient vraiment la douleur. Ah oui? Oui. Tant mieux. Donc, pour vérifier la théorie, les chercheurs de l'Université de Kiel ont demandé à des étudiants volontaires de plonger leurs mains dans un seau rempli d'eau glacée tout en jurant de manière répétée. Ils devaient ensuite produire l'exercice, mais en ne prononçant qu'une phrase anodine. Les résultats, eh bien, les scientifiques ont pu constater que les sujets parvenaient à garder leurs mains dans l'eau glacée beaucoup plus longtemps lorsqu'ils prononçaient simultanément des grossièretés. Mais ils ont découvert aussi que l'effet antidouleur des jurons avait 4 fois plus de chances de fonctionner chez les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un tel langage. Ah ouais? Donc, si tu sacs jamais, mais là, tu te massacres, c'est vraiment efficace. Selon les chercheurs, l'augmentation du rythme cardiaque des étudiants qui juraient était similaire à celle que l'on observe dans une réponse combat-fuite, une réaction à une situation de stress qui a pour conséquence d'augmenter la tolérance à la douleur. Hurler donc des insanités enclencherait non seulement une réponse émotionnelle, mais aussi une réponse physique. On jure depuis des siècles, c'est quasiment un phénomène linguistique universel, explique le docteur Richard Steven, qui a participé au projet. Cela stimule les centres émotionnels du cerveau et semble provenir de l'hémisphère droit, alors que la majorité de la production du langage se passe dans l'hémisphère gauche. Nos recherches expliquent potentiellement pourquoi les jurons se sont développés et pourquoi ils ont perturbé. Bon, hein? Et perduré, pardon. Tu penses que c'est pas correct de sacrer, hein? Mais mets ça dans ta pipe pis fume-le, man. Donc, très, très bonne étude, je trouve. Oui, tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup, Danny. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. La fée des livres. La fée des livres. Quoi? La fée des livres. Je suis toujours pas certaine. Sacré Mathieu Plante. Non? Non. On a toujours pas certaine. Non, ça fait 3 semaines qu'on dit que la chronique a un nom à déterminer. Oui. C'est pas grave. Peut-être qu'elle n'aura jamais aussi. Peut-être. C'est comme un livre, tu sais, ça change à chaque page, quelque jamais chose de nouveau. Jamais de fin. C'est exactement. Ça. Voilà. L'histoire sans fin. Une histoire qui se termine. Une histoire d'eau qui continue. Ouf, hein? C'est la guerre de qui, ça? Donc, aujourd'hui, tu nous parles d'un livre de Bernard Weber. Oui, Weber, un livre. Weber. Oh, il y en a qui le prononcent différemment, on va dire. Weber. Weber pour aujourd'hui. Weber. Non, il n'y a pas de F dedans. Okay, bon, je suis désolée. Donc, le titre du livre, c'est « Les Thanatonautres ». Les Thanatonautres. C'est un terme que Weber a inventé. Et, il l'a écrit à l'endos du livre. Et je vais vous le dire tout de suite pour vous replacer un peu dans l'histoire. Peut-être une bonne idée. Oui, hein. Donc, le mot « Thanatonautres » viendrait du grec « Thanatos », qui veut dire « divinité de la mort », et « Nautes », qui veut dire « navigateur ». Je savais qu'il y avait un lien avec « Thanatologue ». Ah oui, ben ouais. Oui. Et tonaute comme astronaute. Donc, on entend la sonorité. Donc, ce serait un navigateur de la mort. Quelque chose comme ça. Mais je vais vous en parler un peu plus tard. Pour commencer, mise en garde, c'est un livre de science-fiction. Mais là, les filles, partez pas parce que je suis une fille et j'ai aimé le livre. Ah, t'es une fille? Oui, je suis une fille. C'est bien, ça. C'est comme bien, si t'avais pas remarqué. Donc, oui, c'est un livre de science-fiction. Et, je suis pas particulièrement une amatrice de science-fiction, mais celui-là, je l'ai beaucoup adoré. Bon, je l'ai beaucoup adoré. Ça dit tout, je l'ai adoré, tout simplement. Et je crois que ça peut être un peu le cas de tout le monde parce que c'est un livre qui est accessible à tous et qui peut plaire à beaucoup de personnes. Mais tu fais bien à parler parce que, en fait, là, d'expérience personnelle, j'aurais pas tendance à soi-même le louer dans une bibliothèque ou acheter un livre de science-fiction. Je sais pas, on dirait que ça me touche pas. On dirait. Ben, moi non plus, ça me touche pas tant, sauf que j'ai eu à lire. Il y avait un cours de paralittérature qui se donne à l'université. Okay. Et bon, on nous l'a donné à lire. J'étais comme, Bernard Werber, j'avais déjà vu des gens qui lisait, mais ça m'attirait pas. Parce que je sais pas si vous connaissez la trilogie Les fourmis. C'est un monde de fourmis, bon, science-fiction, puis j'étais comme, un monde c'est de fourmis. C'est dur à suivre ou... Je l'ai pas lu. Okay. Parce que ça m'attirait pas. Okay. Et là, j'ai fait face à Les Thanatonautes, et finalement, oui, je pourrais peut-être en lire un autre de Bernard Werber. Mais c'est ça, tu parlais d'un cours de paralittérature. Paralittérature, oui. Ouais. Paralittérature, bon, c'est... Il y en a des fois qui disent, bon, c'est pour dire, c'est pas des bons livres ou pas de la bonne littérature, mais non, c'est totalement différent. La paralittérature, ça peut inclure la science-fiction. Non, pas nécessairement, mais plus la science-fiction, le roman d'horreur, le roman policier. Mais c'est ça. Donc, ça force les gens à lire autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de lire, en fait. Oui, mais c'est ça. Ce livre-là, Les Thanatonautes, a été extrêmement vendu, probablement un peu partout dans le monde, parce que c'est. Il fait partie d'un ensemble de livres de Werber qui s'appelle, attention, je vous le sors le nom. Je suis désolée, c'est Le cycle des anges. Donc, Les Thanatonautes, paru en 1994, et L'Empire des anges, paru en 2000. Donc, c'est une suite. Okay. Et ça, c'est le premier livre. Donc, comme je viens de le dire, paru en 1994. Et pour vous en dire un peu plus sur l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Michael Pinson, qui est un Français. Et on voit à travers le livre un peu son histoire. Donc, on part de sa jeunesse et l'histoire est déclenchée au moment où il y a quelqu'un dans son entourage qui meurt. Et bon, lui, c'est pas c'est quoi la mort, tu sais, quand t'es un enfant. Il s'interroge un peu sur... Oui, mais tu connais pas la mort avant de l'avoir expérimenté. Donc, j'aimerais ça vous lire un petit passage. J'allais choisir, j'en ai simplement un, pour vous montrer d'où est-ce que le roman part. Donc, le titre du chapitre, c'est « Chez Dupont, tout est bon ». Comme pour tous les enfants, il y eut pour moi le jour, M, de la découverte de la mort. Mon premier mort était justement un homme accoutumé à vivre parmi les cadavres. C'était M. Dupont, notre boucher. Sa devise est inscrite en gros caractères sur sa vitrine « Chez Dupont, tout est bon ». Un matin, ma mère m'annonça qu'on ne pourrait pas acheter chez lui un filet mignon pour demain dimanche, car M. Dupont était mort. Il avait été écrasé par une carcasse de bœuf charolais qui s'était inopinément décrochée. Je devais avoir 4 ans. À brûle-pourpoint, je demandais à ma mère ce que cela signifiait le mot « mort ». Ma mère se montra aussi embarrassée que le jour où je lui avais demandé si ses pilules contraceptives pourraient soigner ma toux. Elle baissa les yeux. « Eh bien, la mort, cela signifie n'être plus là. Comme sortir d'une pièce. » Pas seulement d'une pièce, c'est aussi quitter la maison, la ville, le pays. Voyager loin, alors? Comme quand on part en vacances? Non, pas exactement. Parce que lorsqu'on est mort, on ne bouge plus. On ne bouge plus et on s'en va loin, c'est super. Comment est-ce possible? Donc, l'histoire part d'un jeune homme qui s'interroge, un jeune enfant qui s'interroge sur la mort et qui apprend à apprivoiser la chose. Parce que, bon, les premières fois que tu y fais face, à un moment donné, sa tante, une tante éloignée, meurt et il va aux funérailles. Et il ne sait pas que la mort, c'est triste. Il s'est fait dire que c'était comme voyager. Donc, il arrive là-bas, il pleure pas, mais il se fait chicaner parce qu'il n'a pas pleuré. La mort, c'est triste, c'est tabou. Et ça, on le sait, bon, c'est encore tabou aujourd'hui. Donc, de moins en moins. De moins en moins, mais reste que ça reste un sujet que ça touche tout le monde. Puis bon, oui, c'est tabou d'une certaine manière. Ça touche tout le monde, hein? Tout le monde passe par là, c'est assez. C'est ça. Donc, c'est assez universel. Et bon, le jeune garçon fait face à ça et il apprend, par exemple, bon, il faut pleurer dans des funérailles. Donc, une autre personne éloignée meurt. Et là, il se prend des trucs là, pour apprendre à pleurer pendant les... Okay. Pensez à l'aliment que vous aimez le moins. Là, puis lui, il pense à ça. Puis bon, ça le fait pleurer. Là. Donc, c'est l'apprentissage de ça. Et même, ça va plus loin parce qu'à un moment donné, il se fait un ami qui s'appelle Raoul Razorback. Et bon, ils deviennent beaucoup amis, ces deux enfants qui sont plus à part des autres. Donc, ils se font niaiser. Mais en plus, ce qui est bizarre avec eux, c'est que c'est deux amis qui vont rester amis super longtemps, mais sont spéciales dans le sens qu'ils vont lire beaucoup. Oh, ils lisent beaucoup, c'est spécial. Mais on lit des trucs que les enfants peut-être lisent pas, etc. Puis c'est des... On peut dire les qualifier un peu de weirdos. OK, ouais. OK, on va le dire. Mais ils sont quand même attachants. Donc, on voit qu'à un certain moment, lorsqu'ils sont adultes, ils se font le président de la France. Il vient les voir, et, pas le président, mais il vient les voir et leur demande d'essayer de voir comment c'est possible de... faire une expérience scientifique avec ce qu'on appelle la near-death experience. Donc, par exemple, les personnes qui meurent et qui reviennent à la vie. Ouais. Donc, ça part autour de cette idée-là. C'est l'exploration de la mort. Mais à travers tout un processus, parce que, bon, il faut trouver des personnes qui veulent tenter le coup, parce qu'il y a des chances de mourir pour de vrai, donc de ne pas en revenir. Donc, c'est tout le processus. Et ils réussissent à découvrir le continent des morts. Et là, j'ai pas envie de vous en dire vraiment plus parce que c'est à partir de là, c'est de coup en coup. Donc, d'étape en étape, on en découvre de plus en plus sur le continent des morts. Mm-hmm. Donc, son endroit propre. Et là, il se construit une équipe de scientifiques et ensuite des équipes de scientifiques un peu partout dans le monde qui sont un peu en compétition. Et bon, ça, on découvre le continent des morts qu'on explore, mais peut-être un peu trop. Donc, il y a une touche d'ironie et d'humour. C'est très drôle. Okay. Quand je l'ai lu, si vous aimez ça, par exemple, lire un livre et rire à haute voix, c'est le livre pour ça. C'est très rare que je ris en lisant un livre, mais donc, j'étais dans un café et là, je riais toute seule. Donc, okay. C'est très drôle. T'avais l'air weirdo, c'est ça? J'avais l'air d'une weirdo. Exactement. On s'assume là-dedans, des fois. Voilà. Mais non, c'est très drôle. Il touche... Donc, l'ironie et l'humour qui passe à travers l'analyse des sociétés, parce que c'est en quelque sorte une critique aussi, parce qu'il montre avec humour les travers que la société peut avoir, comme la tendance à tout publiciser, la tendance à exploiter beaucoup trop chaque aspect qu'on peut exploiter. Donc, il y a ça aussi, vendre des petits gugus un peu partout dans le monde. Tu sais, par exemple, tu vas visiter quelque chose et là, tu vends un petit objet cheap qui va péter d'ici le retour. Là. Donc, c'est tout ce... C'est vraiment touché avec humour. C'est très, très drôle. La mort, mais avec humour. Et aussi avec un aspect très scientifique. Parce que, pour écrire ce livre-là, Bernard Werber s'est informé pendant quelque chose comme 2 ans sur la mort, sur les religions, sur... C'est ça, j'imagine. Ouais. Tu peux pas... Ça part de la réalité. Tu peux pas écrire. Ouais, c'est ça, exactement. Ça prend des bases. Il y a des passages de la Bible à travers. Il y a des passages d'un peu n'importe quelle religion. Il a essayé de voir ce qui ressortait par rapport à la mort, par rapport à après la mort, et sert de ces informations-là qu'il a trouvées dans les livres des religions pour bâtir son histoire. Donc, c'est pas seulement une histoire sur la mort. Inventée de toutes pièces qui n'a aucun sens. Non, c'est ça. Ça part des choses qui existent déjà, puis des croyances qui existent. Et même le roman est construit en plusieurs parties parce que les informations sur les religions ne sont pas intégrées au récit. Il se trouve en quelque sorte... C'est une drôle de construction. Ça se trouve entre, par exemple, des extraits du journal de Michael qui nous raconte l'exploration de la mort. Mais à travers ça, donc la trame narrative, l'histoire qu'on nous fait raconter, il y a justement les passages sur les religions. Donc, des extraits tirés de différents livres religieux. Et aussi, il y a des extraits de fiches de police. Parce que, l'histoire se déroule en 2060 à peu près, et en montant. Mm-hmm. Donc, c'est de l'anticipation. Oui. Tu sais, il essaie de voir, plus tard, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et c'est de l'anticipation. Et on voit que, il y a des fiches de police. Parce que le narrateur, la personne qui écrit le livre, Werber, elle se met dans la peau d'une personne qui connaît ce qui est arrivé. Alors que le lecteur ne le sait pas. Mais là, on se trouve face à des fiches de police. Par exemple, il décrit Michael Pinson comme un des premiers thanatonautes ou initiateur de la thanatologie. Puis il dit par exemple une qualité, un défaut. Donc tu vois ça par exemple le président qui initie le projet. Donc lui, il a eu une near death experience. Puis il demande à des scientifiques de creuser plus loin. Mais son défaut, c'est d'être le président de la République. Donc, c'est ça. On voit des touches d'humour un peu partout comme ça. Mais donc, des fiches de police, des extraits de livres religieux, des extraits d'un livre élémentaire pour les deuxièmes années. Donc, c'est tout des. C'est un gros mélange un peu de plusieurs genres. Mais ça forme un tout qui est très agréable. Oui, qui se lit bien. Ça se lit très bien. Ça a l'air compliqué à l'oreille, mais ça se lit bien. Ça se lit très, très bien. Et t'as le goût de lire et t'as le goût d'avancer dans le roman. Tu le dévores un peu. Je pensais pas aimer ça autant. J'ai été très surprise par les thanatonautes de Bernard Werber. C'est ça, la lecture des surprises. Oui. As-tu lu la suite? Non, mais j'ai eu le goût. Mais je ne me suis pas encore lancée parce que, je me suis dit, oui, j'aimerais ça lire la suite, mais en même temps, il y a tellement de choses à lire en même temps que je me dis, je le lirai un peu plus tard ou encore cet été quand j'aurai un petit moment parce que, ça se lit facilement en 2 jours. Quand t'embarques dedans, il n'y a aucun problème. Mm-hmm. C'est pas un très gros livre. relativement. C'est un gros livre. Il y a 450 pages, je viens de regarder. Okay. Mais ça se lit comme un petit livre. Ouais. Mais 2 jours, ça veut dire que tu lis très vite? Ah. Ouais. Plus vite que moi. Quand t'as un examen, t'as pas très le choix de lire vite. C'était difficile. Ouais, ouais, j'avoue. Mais non, ça, n'importe qui va embarquer dedans, même si on lit pas vite, l'histoire fait que ça se lit bien. Et ça se lit assez rapidement. T'as envie de continuer. Eh oui, t'as très envie de continuer. Donc, les Thanatonautes de Bernard Werber. Et donc, si vous aimez ce type de livre-là, Bernard Werber, il a écrit, comme je l'ai dit tantôt... C'est la trilogie des fourmis, donc un livre qui a été extrêmement vendu. Il y a d'autres types qui abordent, donc le cycle des aventuriers de la science, le cycle des anges, des dieux. Il y a même des livres expérimentaux. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ben oui! Voilà, donc c'est lui qui a écrit ça et il y a plein d'éléments... Son nom me disait quelque chose. Voilà. Il y a plein d'éléments, par exemple, d'où viennent les signes du zodiaque, comment rêvent les dauphins. Donc, toutes sortes de trucs qu'il a découvert au fur et à mesure. Parce que bon, c'est un journaliste, il a étudié aussi en criminologie, et bon, il a touché à plusieurs choses. Donc, tu vois qu'il a ramassé ce savoir-là, puis il a construit une encyclopédie de savoir relatif. Donc, super. Ouais. C'est un auteur que je pense que beaucoup de personnes peuvent apprécier. D'accord, donc c'est noté et c'est mis sur la liste des choses à lire cet été parce que tu nous as mis 8 livres à date, 5 la semaine passée, 1 et 1, donc ça fait 7 livres. 7 livres, c'est ça, 7 livres. Donc, longue et de la temps que ça finisse? Non, mais il faut prendre une pause dans tes chroniques parce que c'était ta dernière pour la session d'hiver. On va se retrouver éventuellement à différents endroits avec différentes choses. On verra. On verra. On verra, on annoncerait ça des affaires la même, peut-être cet été. Si vous voulez, je pourrais vous mettre même le titre des livres sur Internet pour que vous ayez accès à... Colin Côté 2.0. Parce que, bon, Thanatonaut, c'est pas tout le monde qui sait comment ça s'écrit. Hein? C'est pas si facile. Ouais. Très bon point. T'iras sur la page Facebook d'Assemblage Requis, disons. Disons-le. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre Lafont. Ça fait plaisir. Merci, madame. Chronique littéraire avec un nom, là. Un nom. Qui n'est pas la fille des livres. Non. Pourquoi? C'est correct, ça, non? Les filles, tout le monde est très content de voir les filles. La fée des dents. Non? Des dents, ouais, OK. La fée, ouais. La fée clochette, évidemment. La fameuse fée clochette. Ouais. La fée des dents avec le gars, le lutteur, là. The Rock. Là. C'était viril comme film, ça. La fée des dents. The Rock jouait la fée des dents. Ah, je sais pas. Non, j'ai pas vu ça. Gros film de Goudier, non? On n'est pas sûr de vouloir le voir non plus. Je suis pas sûr que grand gens sont allés les voir, grande population de gens. Donc, merci et puis à très bientôt. Bye. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. C'est la compagnie de caleçons qu'on connaît très bien, Calvin Klein, qui invente le distributeur de sous-vêtements. Ah oui, magnifique. Donc, cette compagnie est à l'origine d'une incroyable campagne de promotion, alors qu'en février 2010, la marque avait fait imaginer des distributeurs automatiques de parfums. Elle a cette fois-ci récidivé avec des distributeurs de sous-vêtements. En effet, différents modèles de lingerie masculine sont actuellement en vente par le biais de plusieurs stations de métro parisiennes. À l'instar des distributeurs de café ou de boissons, il vous suffit de choisir le modèle que vous désirez, les prix étant variables, et vous aurez ensuite à insérer votre carte bancaire pour enfin recevoir votre produit. Prévu pour une durée limitée, cette opération de communication pourrait parfaitement entrer dans notre sélection des distributeurs automatiques les plus insolites que vous pouvez découvrir en images en cliquant bientôt sur la page Facebook du Détecon. Mais il n'est pas encore rendu là. Ils ont été plus vite que moi. Dépêchez-vous pas trop. Une dernière comme ça avant d'aller en pause publicitaire. Oui. Eh bien, en Russie, on aurait peut-être découvert le corps d'un extraterrestre. Oh, un corps d'extraterrestre. Mais là, après les nouvelles là qu'on avait... La CIA qui révélait avoir trouvé des soucoupes volantes habitées d'extraterrestres. Je pense qu'ils vont faire pâle figure à côté de cette nouvelle-là. On va voir. Donc, c'est deux randonneurs qui auraient retrouvé le cadavre d'un extraterrestre dans une forêt sibérienne. Cette découverte fait écho à plusieurs témoignages recueillis il y a un mois de cela, alors que les habitants d'Irkoust, Irkoutsk. Donc, oui, affirmé avoir vu exploser un engin non identifié dans le ciel. Si bien qu'aujourd'hui, la thèse des ovnis est plus que jamais d'actualité avec ces images rapportées. À l'époque de l'explosion, les militaires russes avaient été dépêchés dans la région pour faire une enquête, mais pour certains internautes adeptes de la conspiration, on le sait, hein. Ce cadavre extraterrestre aurait tout simplement échappé à la vigilance des militaires venus pour étouffer l'affaire, bien sûr. Les militaires sont là pour cacher les preuves. Pour d'autres, il s'agit purement et simplement d'un canular. Publié sur Internet, la vidéo soulève tout de même de nombreuses interrogations. L'extraterrestre présente de nombreux points en commun avec l'idée que l'on se fait de ces créatures venues d'ailleurs. Il a une grosse tête, de grands yeux noirs, le corps svelte et rougeâtre. Autant d'éléments qui permettent de constater que ce cadavre n'a rien d'humain. La créature est allongée dans la neige avec une jambe arrachée. Reste à savoir s'il s'agit d'un canular ou d'un véritable corps. Et ça aussi, je vais aller vous mettre le lien là, vers la vidéo dans quelques secondes. Je le fais à mesure que je vous le dis, les amis. Tiens, CTRL-C, on s'en va sur Facebook, on fait CTRL-V, et puis tiens, c'est là pour vous et en partage, drette là, Dead Alien Found in UFO Hotspot in Russia. J'aimerais ça savoir, Danny, toi, quelle idée tu te ferais d'un potentiel extraterrestre? Est-ce que ce serait une bibitte qui ressemble à un chien rouge avec 36 yeux ou... Ouf! Je sais pas, est-ce que ce serait une genre de bibitte comme ça ou ce serait plutôt un petit bonhomme gris avec les longs yeux noirs là, comme on connaît? Je pense que les petits bonhommes gris, c'est sûr qu'ils viennent dans ma tête en imaginaire. Et sinon, moi, je vois plus un genre de plasma ou une pensée immatérielle matérialisée. Ouais, dans le fond, quelque chose de différent de complètement nous, différent de ce qu'on connaît. Au point qu'on ait de la misère à se l'imaginer. Oui, j'avoue. Moi, c'est là que je suis un peu. J'avoue, mais sinon, tu sais, si on peut se permettre de fabuler un peu, si, on voit que la vie a évolué sous une panoplie de formes ici sur Terre. Mais quand même, en restant dans une constance. En restant dans une constance. Donc, si on se fie à cette espèce de direction-là, si ailleurs, il y a les conditions qui permettent la vie. Une gravité, etc. Une gravité, une atmosphère. Bon, même s'il y a des petites données qui changent un peu, je pense que l'essentiel va être assez semblable au niveau des conditions. Donc, ça pourrait être semblable aussi au niveau des espèces. Mais bon, à savoir si ça va être le singe qui va avoir évolué pour devenir un homme qui fait des vaisseaux spatiaux, peut-être pas. Peut-être que dans ce monde-là, c'est les lézards qui ont évolué. Peut-être que c'est les poulpes qui ont évolué. Donc, mais une chose qui est certaine, et je le répéterai toujours, le plus dommage, ce serait que les extraterrestres soient ennuyés. Hein? Je pense pas qu'ils soient si ennuyeux. Non, non, d'après moi, ça sera pas ennuyeux, mais heureusement. Ils doivent pas écouter la poule aux œufs d'or, eux. Ils doivent pas non plus écouter du Danny Bédard. Hey, justement, j'ai un internaute ici, Dominique, qui répondra à ta question, si tu veux savoir. Oui, j'aimerais savoir. Il nous dit que lui répondra à la question au niveau des extraterrestres. Selon la physique de la planète, ça donne un X. OK? Oui. Le template humanoïde style humain existe partout dans l'univers. OK. Ben, c'est un peu ce qu'on disait. Il y a un genre de constance, parce que même le petit homme gris avec une tête puis des petits bras frêles ou des grands yeux, c'est quand même un template qui est similaire au nôtre. Là, c'est vrai. Un gaz qui flotte dans l'espace plasma quelconque. Jusqu'à preuve du contraire, on est d'accord qu'on n'a pas encore de preuves 100% concrètes qui peuvent nous faire affirmer hors de tout doute que les extraterrestres existent. Bon, on a juste des espèces d'indices, tout le temps des canulars du monde qui essaie jamais rien de très clair. Jamais rien de très clair, on est d'accord là-dessus. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est les êtres humains qui s'imaginent les extraterrestres et donc on les voit humanoïdes cause de l'anthropomorphisme. Tout à fait. Voilà. Et puis même, comme on disait, même les animaux, si on prend un chien, on le met debout, il y a un côté humanoïde. Il y a un côté humanoïde. Il y a une tête, les bras, le corps, oui, exactement, le sexe. Oui, tout à fait. Là, et puis je pense que c'est pour ça aussi que l'être humain s'attache à des animaux de compagnie. C'est à cause de l'anthropomorphisme. Il reconnaît là-dedans des traits humains, puis c'est ça qui fait qu'il conçoit de l'affection pour l'animal, d'après moi. Parce que sinon... Il est semblable à lui. Je pense pas que l'être humain soit fondamentalement zoophile, Danny. Je ne pense pas. C'est pour ça aussi que peut-être on est moins attiré vers, je sais pas, une larve ou... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, exactement. Puis c'est si différent de nous qu'on trouve ça un peu dégoûtant. Puis ça nous évoque aussi un peu l'excrément. Puis on a une répulsion naturelle pour l'excrément en général, je crois. Je crois. On l'a vu aussi dans notre vidéo de la dame là, qui avait pilé dans le caca de chien. Ah, quelle vidéo horrible. Elle avait une répulsion, elle. Oui, puis moi, honnêtement, là, les vidéos comme ça, je trouve que c'est borderline, mais c'est excellent pour le mardi malaise. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. assemblage requis. C'est Killer Instinct, le jeu. Oh, de... oui, ça me dit quoi? On parle de jeu de combat en ronde. OK. Ou en onde, en tout cas. Bref, on se rappelle plus des fois de qu'est-ce qu'on dit en ronde ou en onde, hein, Émilie? Non. Émilie Gauthier, on a déjà dit salut ou on s'est déjà parlé en onde? Bonjour, bonjour. Salut, moi, c'est Émilie. Hey, Émilie Gauthier! Je pense qu'on a déjà fait de la radio ensemble à un moment donné. Ouais. Comme pendant 32 semaines par année. Bon, peut-être. Deux ans de suite. Bref, tu nous parles aujourd'hui de la saison des entre-deux, hein, parce que c'est entre l'hiver, printemps, tu sais, la neige et le gros soleil de l'été. L'été? Il y en a qui appellent ça la saison de la bouette, là. Ouais, ben ça, c'est un peu négatif. Ben, pas pour tout le monde, là. Si quelqu'un aime ça, faire du bicycle dans la bouette, c'est le fun. J'avoue que ça pourrait être bien. Ben, j'en parle pas aujourd'hui. Non. Merci de m'agacer avec un sujet qui m'intéressait. Mais bon. Désolé. Ah oui, tu ferais du bicycle dans la boîte? Jamais. Donc, on commence avec libertisme. Oui, il y a deux. Ben, pour ceux qui ne savent pas libertisme, là, c'est système d'arbre en arbre avec des tyroliennes, des passerelles. Tyroliennes, c'est Yolé. Yolé. Oui, c'est ça. Non, je pense pas. Okay. Ben, c'est peut-être comme ça que ça s'appelle aussi, là. Mais dans le système d'arbre. D'hébertisme. Pourquoi je dis tout le temps herbétisme? Herbétisme. Je suis pas capable de le dire autrement. C'est le système là, de prendre après une corde et de se laisser descendre là, sur le long d'une autre corde. Mm-hmm. Il y a deux grandes compagnies d'hébertisme au Québec. Il y a le réseau Arbraska qui a des sites à Rawdon. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Rawdon, Rigaud et Mont-Saint-Grégoire. Bon, ça, c'est pas vraiment dans notre coin. Je le dis quand même pour ceux qui viennent pas d'ici. Je pensais que c'était propre à chaque place. Moi aussi, parce que moi, Rigaud, c'est pas bien loin de chez moi. Puis je pensais qu'Arbraska, c'était juste dans mon coin. Mais là, j'ai comme découvert qu'il y en a un à Rawdon puis à Mont-Saint-Grégoire. Mais je pensais pas qu'il pouvait en avoir plusieurs. Tu sais, dans le sens, ça prend beaucoup de terrain, ça prend beaucoup de place. Mais bon. Tant mieux. Donc, c'est des parcours aériens avec des ponts suspendus, des tyroliennes, d'autres cordages pour se promener en arbre en arbre. Donc, ceux qui n'aiment pas la boîte, on n'a même pas contact avec. On est très loin, oui. C'est ça. On peut se rendre au www.arbraska.com pour en savoir un peu plus. Sinon, il y a le réseau de parcours aériens Arbre en arbre qui a des sites à Mirabel, mais aussi à Shawinigan et à Drummondville. C'est sûr qu'on connaît un peu plus. C'est ouvert à partir du 1er mai, mais jusqu'au 24 juin, on doit faire une réservation pour pouvoir y aller. Il y a pas. C'est la fin de semaine, c'est seulement sur réservation. Je pense pas que c'était juste la fin de semaine. Ça avait pas. Avant ça, oui. Mais... Ah, peut-être les écoles aussi. C'est pour ça qu'il faut réserver. Ben, il y avait pas l'air d'avoir de nombre minimal de personnes par réservation. Donc, si vous voulez y aller en couple, d'après moi, il y a moyen d'y aller. Ils vont peut-être vous jumeler, je sais pas trop. Là, faudrait peut-être appeler pour s'informer un peu plus, mais. Sinon, de toute façon, c'est plus le fun quand t'es en groupe, tu sais, 4-5 personnes. Ben, ça dépend. S'il va en couple, puis t'es pogné avec une classe de maternelle, je m'excuse, mais ça va pas très ben, vite. Ben, c'est peut-être de mon niveau. Il va pas dans ces heures-là, tu sais, je sais pas trop, là, mais de toute façon, tu sais, c'est le fun. On se ramasse une ou deux autos, on monte là d'habitude, c'est bien le fun. Ouais, c'est plus gênant, mais là, tout le monde est gêné ensemble, donc c'est moins gênant d'être gêné. Ouais, mais t'es gêné que du monde que tu connais, t'es pas gêné qu'un autre groupe de personnes qui. Ouais. Bref. www.arbreenarbre.com pour en savoir un peu plus, pour avoir les coordonnées. Il y a différentes difficultés de parcours disponibles. Je pense qu'il y a comme un pour enfants, puis pour adultes, il y en a un comme plus haut et un plus bas. Là, un qui est vraiment à la cime des arbres, donc un peu plus stressant. Ouais. Et puis l'autre un peu plus régulier. Là. Ça, avantage d'y aller à cette saison-ci, il n'y a pas de bibitte pour nous déconcentrer sur les parcours. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le fun. Ouais, c'est un des avantages. Ouais, là, jusqu'au... mi-juin, d'habitude, c'est bien le fun. On peut observer l'apparition de bourgeons de très, très près. Moi, il me semble que ça fait deux semaines que je dis « j'ai hâte de voir des bourgeons ». Bon, là, je pense que s'il y en a, je vais les voir pas mal live dans ma face. Et il n'y a pas beaucoup de gens sur les parcours, là, à moins qu'on s'amène une grosse gang. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre un peu plus notre temps. Là. En grosse saison, des fois, il y a comme deux groupes qui se suivent bien collés. Il y en a un qui ralentit le groupe, tu te ramasses avec l'autre groupe. Des fois, c'est plus fun comme ça. Un sujet maintenant qu'on pense pas vraiment entendre de ta bouche à toi, non, si on s'attendait pas à ça. Je me force pour le dire. Je n'aime pas. Tu nous parles de pêche? Ouais, je suis pas très chasse et pêche. Ouais. Mais plus que 3 jours avant l'ouverture de la pêche. Donc c'est sûr que ceux qui en font, ils l'attendent avec beaucoup d'impatience. T'as-tu tes verres? T'es vendeur. Je vais aller en chercher au dépanneur. Là, tu sais, une grosse pancarte vert. Mmh. Yes. Ouais, c'est ça, je vais aller là. Ils mettent où ces verres-là? Dans le frigidaire. Ah ouais. Dans le frigidaire à la bière? Moi, cool. Mais non, mais c'est fermé. Là, ah, ok. Je sais pas, ça me l'écoute. je me suis informé en plus. La saison ouvre avec l'omble, la wanachiche, la truite, l'éperlan, la perchaude et quelques autres espèces selon la région. T'as appelé ça comment, la wachaniche? Wananiche. OK. C'est ça. Wananiche. Wananiche. Ça, ça se pêche dans l'eau. Ah ouais? Avec une canne? Avec, ou un filet. Ah ouais? OK. Ah bon. Pour en savoir un peu plus, dans le fond, sur les régions, les types de poissons et les quotas, on peut aller au... www.mrnf, ça doit être Ministère des Ressources de la Nature et de la Faune, quelque chose de même, .gouv.qc.ca/faune. C'est super accrocheur comme adresse. Évidemment, l'adresse est au complet, sur 2-3 lignes, ou assemblagerequis.com. Oui, c'est ça. Dans ton billet sur la saison de l'entre-deux. Oui. On passe au sport nautique. Ouais, il fait pas encore très chaud, mais il y a déjà des gens qui viennent s'acheter des dry suits là, pour... Il y a des wetsuits, mais il y a aussi des dry suits. OK, différence rapide, juste... je sais que c'est évident. Ben, c'est ça. Un dry suit, c'est vraiment le suit complet qui fait que tu vas rester au sec et tu n'auras pas froid. Mm-hmm. Tandis que l'autre, ben, ça va quand même conserver ta chaleur, mais c'est que l'eau passe à travers. Là, c'est pas, l'eau passe à travers et puis t'as des membres en fait exposés à l'eau, c'est ça? Pas toutes. Non? Oui, là, nous. Ben, maintenant, je catégorise. Je pensais que... le dry suit, là, c'est des poignets jusqu'aux chevilles et puis... Ouais, c'est ça. Ça te couvre, puis t'as même une capuche que tu peux rajouter. Sinon, le wetsuit, souvent, c'est comme juste la short, puis la camisole que tu peux porter indépendamment, c'est, ou le t-shirt. Là. Mais, comme dans la lutte, c'est la même affaire. Les maillots. C'est plus pour se protéger un peu des vents, de l'eau, tout ça. Mais le dry suit, présentement, est un peu plus adapté, vu que l'eau est pas très chaude. Mais il y a déjà des gens qui commencent à magasiner ça. Donc, la saison du kayak va prendre son envol bientôt. Sinon, il y a le Festival d'eau vive vague près de la Belle dans les Laurentides le 30 avril et 1er mai. Donc, c'est quand même très bientôt. Qu'on aime le caillot... Le caillot. le canot, caillou. Le kayak et le rafting. On peut aller sur la Rivière Rouge, bien habillé, évidemment. Parce que l'eau, elle doit être à combien là, en ce moment? Ça doit pas être. Ça doit pas être très chaud, hein? Ça doit être frette. Je sais pas. Ouais. Environ quoi? 3, 4 peut-être? En haut du point de congélation, c'est ça? Ben mais... là, aujourd'hui, il fait gros soleil, là. Fait que peut-être la surface, là, elle doit être. À 2. Un chiffre au hasard, là. À 2. Deux. Pas très deux. Chaud, maintenant. ça, sur la Rivière Rouge, on peut faire canot, kayak, rafting et même y camper. Donc, on peut partir une fin de semaine et puis aller là. C'est www.aventure4saisons.com. Le rafting, il va reprendre aussi sur les rapides de la Chine le 1er mai, ce qui est une expérience assez incroyable. Je ne l'ai pas faite encore, mais pour avoir observé comment ça se passait... Ça a l'air quelque chose. www.raftingmontréal.com. Et le rafting reprend aussi sur la rivière Batiscan près de Québec. Là, c'était, je ne sais plus le nom de la ville. Là. C'était dans ce coin-là. C'était pas dans le coin de Portneuf? Là, Oui, c'est ça, dans ce coin-là. C'était région de Québec. Saint-Marc, non? Saint-Marc-des-Carrières? Non, c'était... Je pense que c'était Portneuf. Ouais. C'était un nom qui me disait quelque chose. Ah. Voilà. Rivière-Batiscan à partir du 22 avril que ça reprend le rafting et puis... Ça coûte cher, on a-tu des indications au niveau des prix ou... Je peux aller voir, ben Rafting Montréal là, pour la Chine, je suis déjà allé voir, c'est quand même pas... C'est pas donné. Là. C'est pas donné, là. C'est pas 20$. Là. Je pense que ça tournait plus autour de 45$ par personne. Là, ouais, si je me trompe, si je peux trouver, il y a des forfaits sur le lien que tu as posté sur assemblagerequis.com. On parle de journée ou demi-journée de rafting. La traditionnelle, il y a plusieurs forfaits. Le traditionnel de 4 heures, 9 km, c'est entre 64 et 79$. Il y a aussi des forfaits bon, de 3 heures, 4 8 heures. Ça, c'est pour 4 heures. Si tu veux le plus court, 2 heures, c'est entre 19 et 29$. Pas mal dans le coin que tu disais. Et puis le plus élevé à 8 heures, 2 fois 9 km, 109$. Donc allez voir les prix, c'est sur expéditionnouvellevague.com. Expédition au pluriel. Ça, c'est sur la rivière Batiscan. Est-ce que tu peux avoir sur Rafting Montréal? Oh, avec plaisir, Amy. Bien sûr. Rivière Batiscan aussi, il y avait un forfait qui comprenait 24 km de parcours. T'avais de la descente, t'avais du portage et puis C'était quand même une journée assez complète. C'était pas juste du rafting. Sur le site de Rafting Montréal, on dit pour adultes, le rafting, c'est 41 $. Bon, le jet boating, c'est 50 $. C'est ça. Jet boating, c'est un espèce de bateau qui va super vite. Un hydrojet, ouais. C'est ça. C'est pour les sports nautiques qui peuvent commencer à se pratiquer là, à partir de la semaine prochaine. On peut aussi commencer à se préparer, du moins, à rouler. Oui, ben, y en a déjà beaucoup qui ont commencé à sortir leur vélo. C'est sûr qu'il faut avoir des pneus adaptés et régions qui ont encore de la slot chez les trottoirs. Ouais. Mais c'est le temps d'au moins commencer à préparer son vélo. On va le nettoyer, on va le graisser pour qu'il soit prêt à embarquer sur les routes. La plupart des magasins de sport vont faire le premier nettoyage et les premiers ajustements. C'est niaiseux, mais il faut réajuster le guidon, il faut gonfler nos pneus. Puis, c'est pas tout le monde. La chaîne aussi. Oui, c'est ça, il faut la graisser. C'est pas tout le monde qui est équipé, surtout ceux qui sont en appartement. On n'a pas un compresseur à air dans notre entrepôt là, en arrière. Là. Donc, C'était temps de le faire faire par ton père. Des fois, ça pourrait prendre 3-4 mois, donc l'été va être terminé. Exact. Donc, ouais, c'est un autre... Ouais, c'est pas très dispendieux à un magasin de sport. Là, pour l'avoir fait faire quelques reprises, c'est pas... c'est moins cher qu'aller faire du rafting. Donc voilà, c'est prix raisonnable. J'ai hâte d'aller me renseigner pour voir qu'est-ce qui est raisonnable dans ces affaires. J'ai hâte de voir ça. Mais ça doit être environ en bas de 50, c'est sûr. OK. Oui, c'est raisonnable. Je n'ai pas de magasin, mais c'était 35 $, je pense. Quelque chose pas comme cher. Ça pour un ajustement. Là, pour l'été au complet, ça vaut la peine. Oui, c'est ça, exactement. Quand tu t'en sers là, pour la peine. Bon, écoute, c'est un investissement. Là. Exact. C'est ton moyen de transport, oui. C'est un peu ça. Et on termine avec un petit cadeau pour les gens qui aiment la boue. Ben, oui. Ben, tu sais, faut pas reculer devant la boue. Tu sais, ça a l'air un peu dégueulasse, on salit nos souliers, mais c'est sûr, allez-y pas en petites chaussures de sport Nike super bien aérées pour faire de la course. C'est sûr que vous allez vous ramasser les pieds pleins de boîtes. Mais si vous avez une chaussure qui est moindrement imperméable ou une chaussure de marche, on peut marcher dans la boue sans devenir tout trempe. Il y a aussi la revue Marche randonnée qui est écrite par la Fédération québécoise de la marche qui publie d'ailleurs 4 fois par année. Le 26 mars dernier a sorti son édition Printemps et consacre un dossier sur les passerelles suspendues, donc pas de boue. J'ai appelé chez Clément Morin, il en restait 7 exemplaires, je m'en vais m'en procurer un à l'instant. Ah, mais quand il en reste 6. Il en reste 6. j'ai appelé hier soir là, vers 7h. Donc il devait... Est-ce que tu l'as réservé? Ben, il en restait 7. À moins que tout le monde là décide de se pitcher, là, je la trouverai pas drôle. C'est pour ça que je m'en vais la chercher là. Et puis, c'est un petit bijou pour les amateurs de plein air. J'ai déjà eu à consulter aussi leurs livres. Là, ils font des répertoires, des lieux de marche. Puis c'est vraiment, ils font du beau travail. La Fédération québécoise de la marche. Un peu comme toi, Émilie. Ah, oh, merci. Tu fais du beau travail. Ah, oh, t'es fin. Ouais. C'était ta dernière chronique de la session. Ouais. Ouais. On a une petite surprise pour toi. Ouh! Vas-y, Mathieu. 1, 2, 3. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Ce que j'aime, c'est votre phase d'interrogation de qu'est-ce qu'il va rajouter. Surprise. Tu le mérites vraiment beaucoup. Ah, merci, vous êtes fin. Ouais. Alors, on va se reparler bientôt. Oui, je devrais revenir. Là, c'est que j'ai fini mon bac, donc... Oui. C'est ça, exactement. Tes plans de carrière sont pas coulés dans le béton. Non, j'attends d'avoir des réponses d'entrevue et de fin de stage et de plein de choses. Donc, je vais vous tenir au courant. Parfait, ben on va attendre tes nouvelles. Oui. Émilie Gauthier, avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne chance, bonne continuation. Oui, continuation. Bonne chance dans tes études, la santé, puis... Du succès... C'est ça. Du succès. Puis dans tes études. Émilie Gauthier. Mais voyons. Pourquoi Mathieu Plante est toujours en retard? Sur les paroles. Sur les paroles. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Plongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. C'est quand même une chronique culinaire assez spéciale aujourd'hui, étant donné qu'elle est consacrée à l'unique aliment digne de ce nom. Le roi des aliments. Le roi des aliments, le bacon, aussi appelé lard. Le lard vient du latin lardum, parfois aussi appelé lard hypodermique ou bardière. C'est de la viande très riche en graisse située sous la peau d'un animal. Et donc, le lard de porc se trouve à la hauteur du dos et du ventre du porc. Le lard du dos, appelé aussi bardière, comme on le disait précédemment, est essentiellement fait de graisse. Celui du ventre contient davantage de viande. Les formes particulières du lard. La barde, fine tranche de la partie grasse du lard de porc, utilisée pour entourer une pièce de viande. Il y a le fameux bacon, le lard fumé des pays anglo-saxons. La poitrine, devant des côtés avec la graisse et la viande. Les lardons, plus typiquement européens, un morceau de lard coupé en petits dés. Et le sein doux, obtenu en faisant fondre du lard, puis en le laissant se resolidifier. Sinon, exemple de produits alimentaires créés à partir du lard de porc. Donc, on a le Xingar basque, excusez ma prononciation, le salami en Italie, le jambon au Québec, les oreilles de Chris au Québec, le slania en Roumanie, les fèves au lard en Amérique du Nord, le boucané à La Réunion, la cargolade en pays catalan, les fricandos suisses qui allient de fines tranches de bœuf et de lard. On voit aussi la fricassée au Tourin limousine et les deux variantes des recettes chinoises que je suis incapable de prononcer, malheureusement. Sinon, il faut savoir qu'il existe du lard de mammifères marins aussi. Oh! En fait, également appelé blobber par anglicisme, c'est une substance produite par certains cétacés pinnipèdes et siréniens constituant de tissus adipeux, autrement dit de couches de graisse sous-cutanée. Du moktok. Et celui de la baleine étant fondu pour produire de l'huile de baleine, souvent abusivement appelée huile de poisson, utilisée comme huile pour des lampes ou dans diverses industries, la draperie, etc., et pour la fabrication de produits comme le savon, certaines peintures, le bré, des résines, la poix, toutes sortes de trucs pour patcher des coques de navire. C'est fou qu'est-ce qu'on peut faire avec du bacon. Wow! OK, ensuite, je vais poursuivre avec un site internet exclusivement consacré au bacon. Alors, vous tapez le baconunwrapped.com, autrement dit le bacondeballé.com, et c'est un genre de site internet blog qui est consacré au bacon. Il y a des belles images, il explique la démarche qui est derrière ça. Donc, d'autres gens qui, comme vous et moi, vivent d'amour et de bacon. Sinon, je vous suggère d'aller le consulter. Là, je veux pas commencer à vous décrire le site comme ça. Il y a toujours Epic Meal Time aussi qu'on peut aller consulter, qui sont amoureux du bacon. En termes de bacon, c'est une référence Epic Meal Time et moi et eux, on gère. Vous êtes des frères d'âme. On partage cette passion pour le bacon. Sinon, qu'est-ce que nous en dit le guide des aliments.com? Oui. Le bacon est du porc salé, souvent fumé, que l'on retrouve en tranches. Il provient du flanc ou de la longe de porc. Et là, je pense que c'est assez limpide pour tous, merci. Mais je vous suggère néanmoins de visiter le site, étant donné qu'il y a des trucs de cuisson, de conservation et même quelques recettes. Donc, guide-des-aliments.com. Sinon, il faut savoir qu'en France, il existe un restaurant gastronomique appelé Le Bacon. Du bacon. Et donc, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que c'est un restaurant qui n'est pas spécialisé dans le bacon. Donc, ça n'existe pas encore. Il serait grand temps d'en ouvrir des restaurants spécialisés dans le bacon. Ou dans tous les mets, il y a du bacon. Oui, exactement. Ou même, on fait du bacon haché, tu sais quoi, grillé, puis on fait des boulettes de ça pour entre... plein d'idées. T'as plein d'idées, là. Oui, exactement. Et donc, malheureusement, le restaurant gastronomique situé sur la Côte d'Azur fait des spécialités de poisson. Ah. Alors, le restaurant... Moi, je te conseillerais peut-être un tartare de bacon. Un tartare de bacon, oui, mais il faut savoir que le bacon, tel qu'on la jette, il est déjà fumé. Il est déjà un peu comme cuit. Exactement, et il est consommable comme ça. Et il semblerait qu'il y ait une technique qui consiste à faire sécher ce produit-là directement pour faire son propre jerky maison à partir de bacon. Il semblerait que c'est tout à fait excellent si on sait s'y prendre. Et bon, sinon, il y a une section sur le site de metro.ca qui est entièrement dédiée à cette cet aliment magnifique. L'aliment roi. Là, oui, on parle... Le bacon, c'est, pour ainsi dire, tailler une place de choix en Amérique du Nord, où il est devenu un incontournable pour accompagner les œufs au petit déjeuner. Le terme bacon nous vient du vieux français « baco », qui signifiait « jambon ». Et donc, il y a toutes sortes de recettes, de trucs et astuces à propos du bacon au métro.ca. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Pauvre auditeur, moi je pense à l'auditeur qui se dit « Ah, j'aime donc ça, avoir une chronique, c'est un fait à tous les jours » et là, il va devoir attendre au moins une semaine avant la prochaine, pendant tout l'été. Commençons avec... la chronique, c'est un fait, évidemment, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. Commençons avec des faits sur le 20 avril, parce qu'hier, François-Olivier, c'était le 20 avril, la fête des poteux. Oui. 420, c'est la fête du C'est pot. Vrai? Mais oui. Donc, il n'y a pas tant de faits intéressants à savoir sur la drogue, en tout cas que moi je connais. À la place, ça va être des mythes qu'on va défaire. Démystifier, exactement. Il y a un mythe qui dit que quand le groupe de musique Grateful Dead faisait une tournée, il restait toujours dans la chambre 420. Eh bien, c'est pas vrai selon le porte-parole de Grateful Dead Productions, Dennis McNally. C'est pas vrai. Il restait pas dans la pièce, la chambre 420 du tout. Ah. On dit souvent que le 20 avril est la date de la mort de Jim Morrison, Jimi Hendrix et Janis Joplin. Vu qu'ils étaient de très très grands drogués, connus pour leur utilisation de la drogue et leur passion. Ils ne sont pas morts le 20 avril. Morrison est mort le 3 juillet, Hendrix un 18 septembre et Janis Joplin un 4 octobre. Eh bien. Ah. Il y a environ 420 produits chimiques dans la marijuana. Mais c'est un mythe, ça aussi. Il y en a 315. Un petit peu moins que 420. Ça monte et ça descend dépendant de quelle plante est utilisée. Bon. Le code de police pour quelqu'un qui utiliserait du pot, ce serait le 420 pour le 20 avril, le 420, l'heure 16h20, l'heure de des drogués, bref. Mais non, ce n'est pas un code radio policier qui, dans le fond, nulle part. Si on vérifie les codes criminels, ça suggère que l'origine n'est pas de Californie, n'est pas fédérale non plus. Par exemple, il y a un code en Californie qui s'appelle le Penal Code 420, mais c'est complètement autre chose. C'est une des seules places où il y a 420 dans un code, qu'ils disent. Oh. Bref, voilà pour ces petits faits-là, ben intéressant. Le 420, le 420, comme tu l'appelles, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec rien. Le mot calcium, ça vient du latin calx, qui est une sorte de pierre, mais... Okay. Mais le calcium, c'est en fait un métal. Même si... En tout cas, le mot latin, mais bon. Pendant une recherche en 2009, on cherchait le monstre du Loch Ness. Des scientifiques en Écosse ont découvert plus de 100 000 balles de golf au fond de l'eau. Mais ils n'ont pas trouvé le monstre du Loch Ness. Non. T'as pas moi, il y avait un terrain de golf pas très loin? Ou? Probablement. Et ils ont vraiment compté toutes ces balles-là pour s'en débarrasser. C'est quand même un beau petit passe-temps. L'odeur plaisante qui accompagne la pluie qui tombe sur un sol sec. Tu sais, ça a une bonne odeur, la pluie qui tombe sur un sol sec. Ça a un nom, ça s'appelle pétrichor. Pétrichor. P-E-T-R-I-C-H-O-R. Pétrichor. Oh. Eh bien, c'est super, ça. Les scarabées, c'est presque le quart de toute vie sur Terre. Le quart. On pourrait s'attendre qu'il y ait beaucoup d'espèces de scarabées, mais il y en a plus qu'on pense. Au-dessus de 400 000, c'est environ 40% du nombre total d'insectes qui existent sur la planète. Et de nouvelles variétés de scarabées sont toujours découvertes à chaque bout de temps, là, une fois de temps en temps, fréquemment, dit-on. Certains estimés mettent le nombre total d'espèces de scarabées à 100 millions, mais en fait, on pense que c'est plus autour de 1 million, malgré les estimés de 100 millions. C'est peut-être un petit peu trop élevé. Ah! Eh bien, les scarabées. Intriguant ici, le sang des membres du groupe Kiss a été mélangé avec l'encre rouge qui a été utilisée pour imprimer la première bande dessinée de Kiss. Oh ouais? Eh bien, ils ont pris de l'encre. Ben ouais, je m'aventure dans un terrain que je connais pas. Là. Je me ferai corriger par Simon ou Alain plus tard. Mais en 1977, Marvel a sorti le premier numéro des bandes dessinées de Kiss pour essayer d'augmenter les ventes de ces bandes dessinées-là. Ils ont demandé au groupe d'ajouter leur propre sang à l'encre. L'idée, c'était que les personnages du groupe ressemblaient vraiment à des super-héros. Bref, c'est pour ça qu'ils ont fait une bande dessinée. Ils ont donné leur accord, ils ont donné leur sang pour la cause. Et ils l'ont même fait fait enlever leur sang devant un notaire pour que ce soit complètement officiel. Et après que le sang ait été enlevé, du sang, pas leur sang au complet. Oh, ouais. Il a été réfrigéré, il a été amené jusqu'à l'endroit où il faisait l'impression des bandes dessinées de Marvel à New York. Et là-bas, Kiss a fait prendre des photos promotionnelles qui lui montraient en train d'ajouter le sang à l'encre rouge. D'accord. Des pièces de collection. C'est des pièces de collection et c'est dégueulasse. Il y a environ 421 personnes aux États-Unis qui s'appellent Peter Griffin, comme dans Family Guy. Ouais, ouais. D'ailleurs, 421 personnes. 421. C'est quelque chose. Tu peux aller voir le site How Many of Me, qui est un site qui utilise les données américaines, évidemment, le census, comment t'appelles ça, le recensement? Ouais. Si on veut, le recensement. Bref, le site, c'est sur howmanyofme.com. J'ai cherché Mathieu Plante tantôt, là, ça dit qu'il y a, il y a plusieurs informations en fait qui sont données par ce site-là qui sont quand même intéressantes, même si on n'est pas aux États-Unis. C'est qu'il y a moins de 1560 personnes aux États-Unis qui se prénomment Mathieu. M-A-T-H-I-E-U avec un seul T. Mais c'est des estimés qui ne sont pas absolus, mais environ 1560. Et Plante, il y a environ 8291 personnes avec le nom Plante aux États-Unis. C'est statistiquement parlant, j'ai presque eu, 4543e nom de famille le plus populaire. Le 4543e. François-Olivier Marchand, par contre, je penserais pas que ça soit... Il y en a un. Non, mais c'est ça l'affaire. L'autre boîte en dessous, là, ouais. Ça dit qu'il y a une ou moins. Je sais pas si t'as vu. Ouais, ouais. One or fewer. Donc, un ou moins, ça veut pas mal dire un ou zéro. Ouais, ouais. Donc, zéro. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai tapé François-Olivier Marchand. Franoissol, c'est ce que ça a deviné comme prénom, toi. OK. Moi, j'ai pas mis de trait d'union. Ah, ben j'avoue que peut-être que c'est mieux comme ça. Mais il y a 7228 personnes avec le nom de famille Marchand. Et c'est le 5150e nom le plus populaire. Tu vois, je doute que Marchand... Ah ben non, Marchand. Marchand, je sais qu'il y a des joueurs de hockey qui s'appellent dans la Ligue nationale, mais... Je sais qu'il y avait un journaliste qui s'appelait quelque chose Plant, moi. Un journaliste à la télé, en tout cas. Bref, on est pas si bizarre que ça avec nos noms en francophone. Mais si on tape, mettons... Jack, avec un nom de famille, mettons, c'est quoi un nom populaire? Smith. Smith, j'adore. Jack Smith, ah oui. Comment ça peut donner? 492 862 Jack, 2 745 716 Smith. Et c'est le premier le nom. Le premier! Bravo. Wow! Hey, ça, c'est original, hein? C'est comme John Doe. John Doe, ah ben non, quand même, Doe, c'est quand même pas si populaire que ça. Mais c'est le cliché dans les affaires de meurtre. Quand quelqu'un n'est pas, on sait pas encore son nom, ça s'appelle John Doe. John Doe. Bref, voilà pour ce fait-là. Il en reste un dernier. C'est vraiment cool, ce site-là, Mathieu. C'est vraiment bien. Tu connais les opossums? Oui, malheureusement. Ah ouais? Malheureusement, un genre de rongeur. En fait, je suis allé sur Wikipédia pour voir c'était quoi vraiment en français. Et c'est pas vraiment un mot, opossum. On dit que c'est un nom vernaculaire ambigu donné en français à certains petits marsupiaux. Les opossums ou les sarigues en français sont à l'origine des petits carnivores présents sur le continent américain et classés dans l'ordre des Didelphimorphia, principalement dans la famille des Didelphidae, et dont le plus connu est l'opossum de Virginie. Par extension, les francophones nomment parfois improprement opossum ou à l'anglaise possum, parce qu'en anglais ils disent possum. Possum. D'autres petits marsupiaux herbivores présents en Océanie est classé dans l'ordre des diprodontia. Todontia, oui. Bref, ça, le reste n'est pas super intéressant. Donc, les opossums ne sont enceintes que pendant 11 à 13 jours. Ah, oui. C'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas long. Ils naissent moins de 2 semaines après la conception et les opossums nouveau-nés sont si petits, François, qu'on pourrait en mettre 20 dans une cuillère à thé. Une cuillère à thé. 20 dans une cuillère à thé. Wow. Mets pas ça dans ta tasse. Non. Trompe-toi pas de cuillère. École, non. À cette grandeur-là, ils sont loin d'être prêts d'entrer dans le vrai monde autour d'eux, bref, avec les autres animaux sauvages. Même si les opossums ressemblent un peu à un rongeur, en fait, ils sont des marsupiaux, comme on a dit. Le marsupiaux, ça veut dire qu'ils ont une poche, là, un peu comme un kangourou. Donc, les enfants opossums continuent de se développer dans la poche de leur mère jusqu'à ce que ça devienne... ça dit « too crowded », donc qu'il y ait trop la foule là-dedans. Comme un genre de trop de monde. Un surplus de gens à l'intérieur. J'aime ce mot-là. Oh ouais. Donc, les jeunes opossums s'accrochent à leurs parents. Je ne sais pas sur quel endroit, à quel endroit de leur corps, mais bon. Jusqu'à ce qu'ils soient assez gros pour ensuite partir et voler de leurs propres ailes non existantes. Mais bon. Bref, les opossums, 11 à 13 jours dans le ventre de maman. Ah, oh, intéressant. Pas de s'habituer du tout. Tu t'habitues pas? Non. T'es comme... Voilà. Ah ouais, fini. Va-t'en. Va-t'en? Une cuillerée à thé. Bon, une cuillerée à thé d'opossum. Ah, c'est ça. Dégueu. Wow. C'est tout pour cet fait pour aujourd'hui. Et pour un petit bout, hein, la prochaine chronique va être seulement dans quelques semaines. Non? Est-ce que je vais en faire une jeudi prochain, peut-être? Ça peut peut-être. Être... Ouais, je suis sûr que Mathieu va. Je suis capable de trouver quelque chose pour mettre là-dedans, probablement. Je pense que oui. Ouais. Évidemment, les liens sont sur assemblagerequis.com si vous avez envie de rattraper quelques petites affaires que vous auriez oubliées, que vous vouliez répéter à votre famille et vos amis, comme Colin. Hein? C'est sûr qu'un poisson mange très chaud dans le ventre de sa maman. Ça démarre des conversations, là. Comme ça. Comme ça. Demain. C'est comme ça que ça se passe. Ça passe demain. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et puis, je parlais d'une fille qui nous montrait sa petite culotte. Eh bien, je vous parle tout de suite. On va en parler tout de suite de ce petit vidéo. C'est la télévision espagnole qui a dévoilé mardi dernier, mais ça date de quand même quelque temps, cette nouvelle, un string sans ficelle. Donc, un string, vous avez un G-string, OK, mais oui. Sans ficelle. Là, on parle pas de la ficelle arrière, on parle des ficelles qui passent sur les hanches. Là, ou exactement, enfin. Qui fait que ça devient une certaine bobette. Eh bien, le bout de tissu se dépose uniquement sur la partie intime des femmes. La télévision espagnole, mardi dernier, eh bien, les téléspectateurs ont pu découvrir un string de nouveau genre. En effet, le nouveau modèle qu'on qualifie d'invisible ne possède aucune ficelle. Il tient tel un serre-tête et ne cache que le minimum et l'essentiel. Une jeune femme a d'ailleurs testé l'objet sur le plateau et ma foi, elle était vraiment horrible et pas regardable. C'est difficile à regarder. C'est très difficile à regarder. Je suis juste en train de regarder pour la troisième fois. Juste pour la troisième fois. Donc, allez voir ça sur la page Facebook du Dîner de cons. C'est magnifique et le terme est très, très léger. Sinon, restant dans le même dossier finalement, eh bien, c'est la compagnie Victoria Secret maintenant qui a décidé de prendre comme future image ou future mariée, eh bien, Lily Aldridge, qui est vraiment laide aussi. Elle ressemble à Lady Patate presque. Donc, Lily Aldridge, en plein préparatif pour son mariage, a accepté de devenir l'égérie de Victoria's Secret. Et on sait que Victoria's Secret ne font que des sous-vêtements vraiment laids et pas regardables. Ben, ils font des grosses bobettes parachutes. Là, des brassières beige. Oui, exactement. Du coup, d'un coup, là, que tu tombes en avion, là, tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir pour ralentir ta chute. Exactement. Ces bobettes beige-là, parachutes, tu n'as même pas besoin de mettre de tampons quand tu es menstrué, tellement que c'est absorbant. Qui d'autre qu'une future mariée pouvait représenter la collection de lingerie pour une jeune mariée de la marque de sous-vêtements Victoria's Secret? En fait, elle est bien choisie. En choisissant Lily Aldridge comme égérie de cette nouvelle collection, la marque a fait un choix de qualité. La jeune femme est elle-même à quelques jours de son vrai mariage avec le chanteur Caleb Fowell du groupe Kings of Leon. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mannequin sait vendre la marque. Oh oui, tout à fait. Selon elle, et je la cite, j'aimerais faire autre chose que seulement la citer, mais bon, il n'y a rien de mieux que de porter la lingerie sexy sous votre belle robe nuptiale et d'avoir pour plus tard dans la soirée cette lingerie pour l'homme de notre cœur. Hein. La marque a intégré dans sa collection tous les éléments indispensables pour la future mariée. En effet, Victoria's Secret prend en main les futurs mariés et leur propose tous les accessoires pour l'enterrement de jeune fille. Le shower! Oui, exactement. Et pour le jour du mariage, donc du voile au porte-jartel, la mariée ne manquera de rien et surtout le marié va être bien heureux, je crois. Ah oui, tout à fait. Hein, mais on sait que la lingerie, là, tout le monde aime ça. Les hommes, les femmes, les enfants, les extraterrestres, c'est vraiment quelque chose de populaire. Et les chiens. Les chiens, les autres, ils se mettent tout le temps le nez où ce qu'il faut pas. Oui, c'est tout à fait. C'est eux qui la préfèrent de loin, d'ailleurs. Oui. Tiens, on va aller avec la nouvelle d'hier que j'en ai jamais parlé. On parlait des cabinets de médecins en gare pour une opération marketing ou finalement un vrai service. On le sait pas. Eh bien, c'est une initiative lancée il y a 6 mois par les gares et connexions en France, bien sûr, une filiale de la SNCF chargée depuis 2009 de rendre les gares plus attractives en y installant des commerces, des crèches, des restaurants, etc. et oui. Des services. Une campagne d'information a été lancée dans la presse professionnelle médicale et paramédicale, explique Sylvie Latour, directrice du SNCF Gare et Connexions. Je la cite, cette dame Latour. Nous avons eu une centaine de retours de médecins généralistes, spécialistes, centres de santé, Nous étudions les dossiers pour voir si les propositions sont réalisables. 4 projets ont d'ores et déjà été adoptés. En milieu urbain, eh bien, des installations permettront d'étoffer l'offre de services déjà présente. Des laboratoires d'analyse pour y ouvrir à la gare du Nord à Paris, à la gare Saint-Charles de Marseille et un centre de santé doit ouvrir à Lyon. Donc, quand même assez intéressant. D'autres seraient prévus à Lille, Flandre et la gare Saint-Lazare à Paris. Nous, ici, on a de la misère à trouver des médecins. Juste dans les hôpitaux, tout simplement. En zone rurale, eh bien, le topo est un peu différent. À Hérissy, à Seine et Marne, le maire a signé un accord avec la SNCF pour louer un local, donc dans la gare ou plutôt dans ses murs, qui n'abritent plus aucun guichet ni personnel. Le but de la SNCF, eh bien, ouvrir les gares sur la ville ou le quartier qui les entoure et offrir un vrai service aux riverains comme aux usagers. Donc, faire vivre le train, faire vivre la gare, ce qu'on connaît pas ici. Hein. Oui, mais si on en parle justement la situation là, à Trois-Rivières, là, la gare à Trois-Rivières, c'est un des plus beaux immeubles de la ville. Tout à fait. Vraiment tout à fait joli, même du point de vue là, de la rail, ils ont mis des comme des espèces de lumières ou je sais pas trop, un genre de parapet, là, je sais pas trop comment le décrire comme ça, sauf que de tout point de vue, le bâtiment est fort joli. Et puis moi, je déplore qu'il n'y ait plus de service de train à Trois-Rivières. Et puis, à la place, ils ont mis des bureaux là, de fonctionnaires dans... Puis je veux dire... Et puis la gare à l'intérieur est tellement belle aussi. Puis là, c'est rendu morne. Là. Tu regardes ça vu de l'extérieur, il n'y a pas d'activité. Il y a juste des voitures de fonctionnaires dans le stationnement. J'ai rien contre les fonctionnaires. Non, on s'en reprend, mais bon. Mais c'est que on est loin de l'activité génératrice qu'une gare pourrait engendrer à Trois-Rivières. Et puis, elle est située aussi dans un quartier qu'en ce moment, on est en train de transformer d'une drôle... Bizarre, parce que, je veux dire, on devrait mettre l'accent sur le commerce. On pourrait avoir presque un deuxième des forges. Mais avant, c'était un deuxième centre-ville, ça. Exactement. Et puis, au lieu de reprendre cette direction-là et de tout reniper ça, on détruit les commerces pour construire des résidences de personnes âgées. Bon, je suis conscient qu'il faut loger les personnes âgées, mais j'aimais mieux les idées là, de château dans le pit de sable qu'en plein centre-ville comme ça. En ce moment, là, sur Saint-Maurice, il y a comme 3 nouvelles résidences de personnes âgées. C'est immense et ignoble. Oui, exactement. Dont une, là, la plus grosse, la plus immense et la plus ignoble. À côté du Super C. Avant, là, il y avait un parc. On scrappait le beau parc avec des arbres. Il y avait un parc avec des lilas. C'était tous des lilas, là, super beaux, matures, des gros arbres qui donnaient des fleurs. Ça sentait bon, c'était beau. C'était un endroit agréable. Là, un moment donné, je passe par là, c'était rendu un no man's land. Là. C'était rendu rasé. Et puis là, ils viennent de construire une usine à faire mourir les personnes âgées. Pour vrai, c'est horrible. Ils ont construit ça rapidement, hein? Ça a fait peau. Oh oui, comme mais un champignon. C'est parce que là, avec le vieillissement de la population, ça devient vraiment rentable d'avoir des centres de personnes âgées. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que, tu sais, on les store là, comme si on les mettait d'un frigo là, en attendant qu'ils meurent. C'est une belle place pour les oublier. Ouais, ben en fait, tu sais, par exemple, ma propre grand-mère est dans une résidence de personnes âgées depuis peu. Je veux dire, cette résidence-là a été soigneusement choisie et puis elle a gagné quand même beaucoup à aller rester là. Elle s'est faite des nouvelles amies. Elle a plus de sorties, c'est bon pour elle. Des activités. Sauf que, tu sais, elle a pas été placée là à 60 ans, là, tu sais quoi. Puis en dernière nécessité, au moment où est-ce qu'elle était plus autonome, tandis qu'il y a, bon, je veux pas accuser personne, mais il y a des gens, on sait, qui se débarrassent plutôt facilement des éléments encombrants de leur existence pour utiliser des mots pesés. Oui. Et donc, moi, je déplore qu'on ait démoli le parc que j'aimais tant. Ben surtout. Oui, c'est ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Simon Fitzbé dit qu'il a une surprise pour nous. Bonjour. Bonjour, bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Très bien, oui. Est-ce que ce serait notre célèbre groupe de musique? Tu sais, quand on chante, François et moi, on chante des chansons, mettons, pour Émilie Gauthier, on fait genre... Hey, Émilie! Merci, Gauthier, merci pour ta chronique! Mettons, quand on fait ça, c'est pas ça? Ah, ben, c'est pas trop loin de ça, franchement, oui, parce que j'ai décidé. Tu m'inquiètes, là. J'ai décidé de scinder ma chronique en deux ce matin. On va avoir un vrai artiste après. OK. Mais on va commencer avec un duo, un groupe qui n'a pas encore été formé. En fait, devrait être formé d'ici la fin de l'émission. OK. Il s'agit probablement du duo le plus... comment dire ça dans des mots polis? ouais, faut dire c'est poli. Qui essaye le plus, qui essaye bien fort, mais qui a du mal à arriver. Il s'agit bien sûr du duo Assemblage Requis. Ah! Oui, puisque le 21 avril 2011, qui est aujourd'hui, okay. Alors que leur émission matinale, le duo... alors que se termine plutôt leur émission matinale, le duo d'Assemblage Requis annonce qu'ils ont décidé de former un duo folk-punk. Et ils vont lancer un album d'ici la fin de l'année. L'album Les requins chantants sort effectivement à l'automne et c'est un véritable hit. Ben, on prédit tout ce hit pour ça, c'est sûr. Ben oui. Et la musique est bien calibrée sur cet album. C'est un mélange de folk et de punk puisque Mathieu interprète les pièces folk et François-Olivier, lui, l'a fait de façon punk. Ah ben oui. Et ce qui est innovant là-dedans, c'est qu'ils font les deux en même temps. Donc, chanter deux styles différents sur la même pièce avec deux backgrounds différents. Ça a du sens, ça a du sens. Oui. Et fort de ce succès dans les palmarès, le groupe part en tournée Le Madrid, Matane, Joliette, Saint-Angèle-de-Prémont, Lac-aux-Sables, rien les arrête dans leur conquête du monde. Avec Mathieu à la technique et François-Olivier qui gère le groupe, former le duo idéal. Uh-huh. Le second album, cette fois-ci, on fait pas ça pour de l'argent. En fait, on est dans le trou de 20 000 à cause de notre premier album. Paraît en printemps 2012. Il est également très populaire et le groupe décide de s'attaquer au gros marché de Montréal. Effectivement, oh, oui. Montreal. Vous commencez, en fait, à vous produire dans les centres d'achat de Laval et de Brossard. Et vous attirez les geeks avec la chanson « On aime nos iPhones ». J'adore ça. J'adore ça. Mathieu, c'est toi le plus populaire du groupe, en fait, pour les fans. Puisque c'est à cause de tes favoris, bien sûr, et ton allure mystérieuse de gars gêné. Ah, mystérieux. Ah, les filles craquent. Mais c'est François-Olivier, par contre, qui fait la manchette avec ses déclarations choc telles que « Je porte pas de bobette à matin ». Mais quand François... Ah, ben là, j'en ai. Attendez aujourd'hui. Ah, c'est pas changement. Ouais. C'était pas, ça confirme la règle. Oh, ouais, exact. Mais comme tout bon duo, la lune de miel est sur le point de se terminer puisque vous rentrez en studio à la fin de l'année 2012. En fait, le studio, c'est le sous-sol de François-Olivier, okay. À moitié fini. Vous en allez pour enregistrer votre nouvel album. On n'est pas sur le bord de lâcher nos jobs pour ça. Mathieu a de plus en plus de mal à travailler avec François puisque celui-ci a développé une dépendance à la vitamine C qui fait de lui un hyper actif, incapable de focusser sur une seule tâche. Hein, parce que la vitamine C, ça nous donne l'énergie. Les sessions d'enregistrement sont longues et laborieuses, si bien que le groupe n'est pas sorti du sous-sol 6 mois après le début de l'enregistrement. Vous êtes resté là tout le long. Mathieu, toi, t'as commencé à abuser en fait des jujubes Bigfoot, la compagnie Allen. Allen Candy Company! Ben oui. Et tu prends de plus en plus de poids. Ça, malgré déjà ta grandeur, tu manges beaucoup de jujubes et tu deviens de plus en plus gros. Leur album prend les proportions gigantesques. En fait, votre album, ça devient un album concept quadruple avec qui présente en fait les hauts et les bas d'un duo qui a du mal à attirer 5 personnes à leur concert. On croit que le concept est plus ou moins basé sur l'histoire d'Assemblage Requis. Probablement. Rien va plus donc pour le duo Assemblage Requis. Après un an d'enregistrement, l'album est toujours pas fini. Mathieu développe une obsession pour les multitracks qu'il peut créer avec l'échantillonneur de GarageBand, alors que François descend de plus en plus dans l'enfer de la drogue en sniffant le sucre qu'on retrouve dans les sachets en forme de paille aux dépanneurs. Ah oui, c'est bon ça. Oui. Et l'album On n'est pas sur le bord de lâcher nos jobs ressemble maintenant donc à un opéra de 6 heures et parti sur 8 disques. Et Mathieu refuse de le terminer puisqu'il trouve jamais parfait. C'est vrai. Le duo se chicane et décide de se séparer après que François ait décidé de lancer l'album sur le web sans parler à Mathieu. Oui. Traître! Ben oui, mais Mathieu, heureusement pour toi, l'album n'a pas été téléchargé par personne, ce qui fait que c'est le bootleg le moins recherché de l'histoire de la musique. Zéro seeder, les zéro leecher. Zéro. Wow! Oui. En 2014, François essaie d'entrer en désintox à la demande de sa blonde, bien sûr. Malheureusement pour elle, le centre de désintox refuse François-Olivier parce qu'il ne traite pas ça les dépendances aux vitamines et aux bonbons. Il tente de réunir son ancien groupe, les Péteux de Brou. Sa tentative est malheureusement vaine lorsque ses anciens collaborateurs producteur lui rappelle qu'il s'agissait d'une émission de radio, mais pas un band. Mm-hmm. Il lance donc son premier album solo, Tabarouette, qui c'est pas un succès. En fait, on met la faute sur François parce qu'il aurait oublié de peser sur record avant d'enregistrer ses chansons. Ça faisait un disque double, mais avec aucune pièce dessus. Okay. Mathieu, pour sa part, toi, tu fais de l'exercice pour perdre tes 200 livres en trop que tu as pris grâce au Bigfoot de Alan Candy. Je fais ça sur Wii Fit, évidemment. Oui, exactement. Et tu commences à travailler sur un album solo sur ton iPhone avec un de tes anciens collaborateurs, Kiwan. Ah, Kiwan! Revient, ouais. Salut, Kiwan. L'album solo de Mathieu, j'ai toujours pas acheté d'iPhone 4, paraît début 2016. Il est apprécié par la critique qui se trouve à être en fait Mathieu lui-même qui le place en tête du palmarès C'est fou. Ça aide malheureusement pas aux ventes d'albums imprimés à plus de 50 exemplaires par acte de mégalomanie de Mathieu qui doit vendre ses nombreux MacBook custom pour payer la note. Sans instrument de musique, il décide d'abandonner tout simplement. En 2026, le fils de François-Olivier découvre le seul article que Zone Campus avait consacré au duo en 2011. L'homme d'affaires qui est devenu François-Olivier est touché par l'intérêt que lui porte sa progéniture et il est soudainement rempli de nostalgie et décide de contacter Mathieu, maintenant animateur d'une prestigieuse station de radio régionale, pour reformer le groupe plutôt. Celui-ci accepte, également nostalgique des salles vides et des insultes des passants. C'est donc à la demande générale de personne que le duo se réunit. Il fait une série de concerts à Saint-Césaire, Saint-Cyril de Wendover, Notre-Dame de Lourdes. On n'en finit plus. Et le talent publicitaire François-Olivier, qui a toujours été sans égal, leur permet au dernier concert de la tournée dans l'aire de restauration du Carrefour Trois-Rivières-Ouest. En fait, le groupe réussit enfin à attirer la cinquième personne qui l'attendait à leur show. Ah, voilà, wow. Histoire d'assemblage. Wow. C'est super, c'est émouvant, c'est basé sur des faits véridiques, c'était un téléfilm à TQS. Tu m'as fait très rire. Ça fait j'ai adoré. Ça a été fait tellement rapidement, vous n'avez pas l'idée. T'es excellent, Simon, t'es c'est un très bon, très bon. Wow. Et donc, c'était ma petite hommage pour vous. Malheureusement, vous n'avez pas encore sorti de chanson. Non, on a des petites cotes de wave de tunes qu'on a enregistrées pour Émilie. Ça fait partie du bootleg que personne ne veut télécharger. C'est ça, exactement. Zéro seed, zéro livre. Exact. Mais je vous dis quand même, j'ai sélectionné une pièce pour montrer un peu aux gens qu'est-ce que ça pourrait ressembler, un duo assemblage requis sur scène. Il s'agit bien sûr des Girola, puisque Jérôme Lemay est décédé la nuit dernière, et on va aller écouter ça pour lui rendre hommage. Be for fun. Ça sent job dans l'auditorium. Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il s'en va se cacher, mais il va se faire pincer. Quoi donc, ça qui fait que tout le monde ne veut pas me lâcher. Qui rit ou qui crie, qui fait dans la vie des niaiseries. Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il s'en va se cacher, mais il va se faire pincer. Quoi donc, ça qui vit que tout le monde ne veut pas me lâcher. Qui fait des barbeaux sur les murs, qui crache à terre pour faire le dur, qui passe au bébé ses chaussures. Oui, qui, moi? Oui, toi. Qui fait des grimaces aux gens très bien, qui donne des piastres au singe du jardin. Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il va se faire pincer, puis il va y goûter. C'est ça qui fait que tout le monde ne veut pas me lâcher. À terre pour faire le dur, qui passe son bain avec ses chaussures. Oui, qui, moi? Oui, toi. Qui fait des grimaces aux gens très bien, qui donne des piastres au singe du jardin. Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il va se faire pincer, puis il va y goûter. Ça qui vit que tout le monde ne veut pas me lâcher, puis l'épicier, puis après c'est bouffé. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h.

Oh yeah, c'était l'artiste Neil Young, célèbre artiste canadien, qui nous présentait ici sa pièce Rockin' in the Free World, une pièce tout à fait rock et tout à fait agréable, n'est-ce pas Danny? Ah, vraiment agréable, ça fait toujours du bien d'écouter du bon vieux Neil Young. Oui, exactement. Neil Young, qui soit dit en passant, aurait performé à Woodstock. En fait, on le sait qu'il collaborait souvent avec Crosby, Stills et Nash. Ouais, Crosby, Stills, Nash et Young. Bon, exactement, Crosby, Stills, Nash et Young. Et puis, par exemple, ce qui est marqué au programme, à la base, ce qui était marqué au programme de Woodstock, c'était seulement Crosby, Stills et Nash, à cause que Neil Young n'est pas toujours dans le quatuor. Des fois, il se présentait en trio. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il n'était pas là à Woodstock. D'ailleurs, on voit trois personnes là, au cours de ce numéro-là sur le stage. Finalement, il semblerait qu'il ait été bel et bien présent, mais il n'y a aucune donnée officielle qui nous permette de l'affirmer hors de tout doute. Certains disent qu'il a joué avec le groupe, mais sans être apparent. Il y a d'autres... Backstage. Oui, backstage, exactement. Il y a toutes sortes de théories plus farfelues les unes que les autres. Et c'est pour ça que je vous laisse vous faire votre propre idée de la chose. Internet regorge de toutes sortes de théories sur le sujet. Et c'est très agréable de gaspiller du temps à s'y intéresser. Mais sinon, parlons de Neil Young. Neil Percival Young, né le 12 novembre 1945 à Toronto, au Canada, est un chanteur et guitariste de folk, country et rock canadien. Son apogée se situe au début des années 1970 avec les albums After the Gold Rush et Harvest et son rôle dans le groupe Crosby, Stills, Nash & Young. Neil Young est reconnaissable par sa voix souvent au perché et la guitare omniprésente. Les chansons révèlent de styles bien distincts, un folk rock acoustique matiné de country, pardon, avec des chansons comme Heart of Gold ou Long May You Run, mais aussi une forme de hard rock et grunge avant l'heure, musique lancinante et hypnotique aux guitares saturées que l'on retrouve dans Cinnamon Girl, Southern Man ou Rockin' in the Free World qu'on vient d'entendre. Souvent associé avec Crazy Horse, le groupe qui l'accompagne une grande partie de sa carrière, il s'est aussi aventuré dans d'autres genres musicaux tels la musique électronique, le noise rock et même le rockabilly. Sinon, on parlait de la pièce Heart of Gold dans le style un peu plus folk. C'est une pièce tout à fait magnifique aussi. J'ai failli vous la présenter aujourd'hui, soit dit en passant. Et donc, cette courte présentation de Neil Young s'achèverait pour cette session-ci, ma chronique du rock alphabétique. Ben, c'est merveilleux. Merci, Charles-André. Ça me fait grand plaisir. Et maintenant, on pourrait poursuivre avec un extrait de la merveilleuse encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et là, ça commencerait, je vous avertis, on parle de sollicitation paradoxale. Écoutez bien. Alors qu'il avait 7 ans, le petit Erickson regardait son père qui essayait de faire rentrer un veau dans une étable. Le père tirait fort sur la corde, mais le veau se cabrait et refusait d'avancer. Le petit Erickson éclata de rire et se moqua de son père. Le père lui dit « Fais mieux si tu te crois si malin. » Alors le petit Erickson eut l'idée, plutôt que de tirer sur la corde, de faire le tour du veau et de tirer sur sa queue. Aussitôt, par réaction, le veau poussa en avant et entra dans l'étable. 40 ans plus tard, cet enfant inventait l'hypnose ericksonienne, une manière, d'utiliser la sollicitation douce et la sollicitation paradoxale afin d'amener les patients à mieux se porter. De même, on peut vérifier quand on est parent que si un enfant tient sa chambre désordonnée et qu'on lui demande de la ranger, il refusera. En revanche, si on aggrave le désordre en apportant plus de jouets et de vêtements, et si on les jette n'importe où, l'enfant dira « Arrête papa, ce n'est plus supportable, il faut ranger ». Si on considère l'histoire, la sollicitation paradoxale est utilisée consciemment ou inconsciemment en permanence. Il a fallu les deux guerres mondiales et des millions de morts pour inventer la SDN puis l'ONU. Il a fallu les excès des tyrans pour inventer les droits de l'homme. Il a fallu Tchernobyl pour prendre conscience des dangers des centrales atomiques mal sécurisées. Wow. Donc, voilà. C'est toujours intéressant, M. Werber. Oui, hein, magnifique. Donc, ça, c'était sur la sollicitation paradoxale. Et bon, dans le fond, je te demanderais juste de m'arrêter quand mon temps quand se c'est sera... Assez. Quand mon temps se sera écoulé. Ben, une ou deux encore de cette longueur-là, puis ça serait bien, moi, je pense. OK, bon. Donc, on va poursuivre avec l'alchimie, qui est un thème on que... aime l'alchimie. On est tous deux alchimistes, en oui. plus, à temps partiel. À temps partiel, exactement, quand on n'est pas à la radio. Et donc, toute manipulation alchimique vise à mimer ou à remettre en scène la naissance du monde. 6 opérations sont nécessaires. La calcination, la putréfaction, la solution, la distillation, la fusion, la sublimation. Écoutez bien. Ces 6 opérations se déroulent en 4 phases. L'œuvre au noir, qui est une phase de cuisson. L'œuvre au blanc, qui est une phase d'évaporation. L'œuvre au rouge, qui est une phase de mélange. Et enfin, la sublimation, qui donne la poudre d'or. Cette poudre est similaire à celle de Merlin l'Enchanteur dans la légende des Chevaliers de la Table Ronde. Il suffit de la déposer sur une personne ou un objet pour qu'elle le rende parfait. Beaucoup de récits et de mythes cachent en fait dans leur ossature cette recette. Par exemple, Blanche-Neige. Elle est le résultat final d'une préparation alchimique. Comment l'obtient-on? Avec les 7 nains, nains issus de gnome ou gnosis égale connaissance, ces 7 nains représentent les 7 métaux, le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, le mercure, l'argent. L'or, eux-mêmes liés aux 7 planètes, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Lune, Soleil, elles-mêmes liées aux 7 principaux caractères humains, grincheux, simplet, rêveur, etc. Excellent. C'est très drôle. Hein? C'est vraiment le fun. Très intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup cette encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et on pourrait terminer oui? avec un autre article d'une longueur similaire. Coopération, réciprocité, pardon. Oui. Je vous explique. En 1974, le philosophe et psychologue Anatole Rapaport. Oui, c'est ça, je m'en allais dire Rapaport, puis je me suis dit, c'est quoi ce nom-là? Rapaport. Anatole Rapaport, de l'Université de Toronto, émet l'idée que la manière la plus efficace de se comporter vis-à-vis autrui est 1. La coopération, 2. La réciprocité, 3. Le pardon. C'est-à-dire que lorsque un individu ou une structure ou un groupe rencontre d'autres individus, structures ou groupes, il a tout intérêt à rechercher une alliance. Ensuite, il importe, selon la règle de réciprocité, de donner à l'autre en fonction de ce que l'on reçoit. Si l'autre aide, on l'aide. Si l'autre agresse, il faut l'agresser en retour, de la même manière et avec la même intensité. Enfin, il faut pardonner et proposer de nouveau la coopération. En 1979, le mathématicien Robert Axelrod organisa un tournoi entre logiciels autonomes, capables de se comporter comme des êtres vivants. Une seule contrainte, chaque programme devait être équipé d'une routine de communication, sous-programme lui permettant de discuter avec ses voisins. Robert Axelrod reçut 14 disquettes de programmes envoyés par des collègues universitaires également intéressés par ce tournoi. Chaque programme proposait des lois différentes de comportement. Pour les plus simples, 2 lignes de code de conduite. Pour les plus complexes, une centaine. Le but étant d'accumuler le maximum de points. Certains programmes avaient pour règle d'exploiter au plus vite l'autre, de lui voler ses points puis de changer de partenaire. D'autres essayaient de se débrouiller seuls, gardant précieusement leurs points et fuyant tout contact avec ceux susceptibles de les voler. Il y avait des règles du type, si l'autre est hostile, l'avertir qu'il doit modifier son comportement, puis procéder à une punition, ou encore coopérer, puis trahir par surprise. Chaque programme fut opposé 200 fois à chacun des autres concurrents. Celui d'Anatole Rapaport, équipé du comportement CRP, coopération, réciprocité, pardon, bâtit tous les autres. Encore plus fort, le programme CRP, placé cette fois en vrac au milieu des autres, était au début perdant devant les programmes agressifs, mais il finit par être victorieux puis même contagieux au fur et à mesure qu'on lui laissait du temps. Et les programmes voisins, constatant qu'il était plus efficace pour accumuler des points, alignèrent en effet leur attitude sur la sienne. À la longue, la méthode est payante, ce n'est pas de la gentillesse, il y va juste de votre propre intérêt, et cela est démontré par l'informatique. Wow! Donc, faut c'est comme la loi du talion, ça? Non, en fait, je pourrais résumer l'article, ouais. Parce que c'était le plus lourd des trois aujourd'hui, mais comme je l'avais déjà lu puis je l'avais déjà médité, je suis peut-être en mesure de vous le vulgariser. Oui, vas-y, explique-moi là un peu plus de façon... OK, lui a fait un programme, il a parti du principe qui était coopération, réciprocité et... le dernier, c'était pardon. Donc, OK. Et le fait est que, le but est d'abord d'établir le contact avec l'autre, ensuite d'échanger. Et si l'autre, il t'envoie des bonnes choses, tu lui renvoies des bonnes choses en retour. S'il t'envoie de la merde, pour le punir, tu lui renvoies de la merde. À ce niveau-là, il y aurait le talion. Mais ce qui nous fait sortir de ça... C'est le pardon à la fin, tout à fait. Et là, on voit un peu qu'il a mis ça en place dans un programme informatique qui était programmé pour dealer avec d'autres programmes informatiques qui étaient eux-mêmes conçus dans cette espèce d'idée-là. Et là, il y avait certains concepteurs qui avaient essayé de plus faire agressif. Des programmes plus agressifs, etc. Et c'était toujours le programme de coopération, réciprocité, pardon, qui finissait par accumuler le plus de points par rapport aux autres en échangeant avec les autres programmes. Et donc, ils gagnaient toutes les compétitions vis-à-vis les autres programmes, ce qui laisse croire que c'est l'attitude dans la vie de tous les jours qu'on qui doit vous avoir. Faire gagner à tous les coups dans vos relations humaines lorsque vous voulez obtenir un avantage autant pour un emploi, vous voulez... Ne serait-ce qu'une dans une discussion... discussion ou même faire baisser votre facture de téléphone, ça va toujours être une attitude de coopération, réciprocité et pardon qui va vous donner les meilleurs résultats si on se fie à l'étude de Anatole Rapaport. Et donc, très intéressant. Et puis, on sait que l'encyclopédie du savoir relatif absolu est assez accessible d'habitude. Ça, c'était peut-être un des plus articles. Non, mais c'est juste parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de mots. Exactement, de concepts. Quand on lit, c'est un peu plus simple, mais quand on écoute les... Exactement, sauf que, ça, je voulais que tu nous éclaires, c'est ça. Parfait, mais rassurez-vous, le livre, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber et tout ce qu'il y a de plus accessible néanmoins. Yes, merci beaucoup Charles-André Lambert. On va quasiment se quitter là, c'est ça qui arrive. Il est 12h53, j'avais beaucoup de nouvelles encore à vous parler. Je vais y aller comme ça avec des petits résumés. Ben, parce qu'on va se quitter en musique. Opéré parce qu'il avait avalé 10 mètres de plastique. Donc, à Xuan, en Chine, les chirurgiens ont extrait l'équivalent de 10 mètres de petits tuyaux logés dans l'estomac d'un homme qui aurait mâché cela et dévoré ces objets comme remède à l'anxiété. Il mâchait ses bouchons de stylo, des affaires de main. Il y en a eu pour 10 mètres de plastique. C'est quand même assez drôle, merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. Le début est solennel. Et sûrement la dernière fois qu'on entendra cet homme dire s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est ça, c'est la dernière chronique de la saison. Il faut le préciser à toutes les chroniques. Quand on dit dernière chronique, c'est pour le moment. Le futur nous réserve plein de surprises. Oui, plein de mystères. Et oui. Donc aujourd'hui, ton sujet, devinette du jour. Oui. Avez-vous trouvé c'est quoi ce mot-là? C'est un chaudron, François disait. Ben, le creuset, c'est un ça chaudron. Ça ressemble beaucoup à ça, mais on a utilisé le mot pour faire. En tout cas. Le nom, c'est creuset de fin de session. Ouais. OK, fin de session, parce que justement, on finit la saison aujourd'hui même à l'émission. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait parler pour finir la saison? Puis la semaine passée, on s'était quitté en disant, je vais tirer un sujet au hasard, puis je vais en parler. Et j'ai même pas réussi à trouver un sujet qui ferait l'actualité. Donc, j'en ai trouvé plusieurs. Un creuset, c'est le vrai mot français pour dire melting pot. Melting pot, oui. Donc, le mijoteuse. Mijoteuse, on parle de mijoteuse avant d'entrer en onde, oui. Donc, oui, c'est le vrai nom. Je voulais parler d'une macédoine de sujet, mais macédoine, ça s'adresse pas à des sujets, ça s'adresse à des aliments. Donc, ça marche pas. Ah, OK, bon. Parce que là, j'allais dire une conserve non périssable, c'est pas mieux. J'ai cherché dans l'Office québécoise de la langue française. En France, l'Académie française, c'est le mot creuset. Je trouve ça laid, mais bon. Ben en français, qu'est-ce qu'il l'est pas? Non, excuse-moi. Tu t'offusques quand il y a beaucoup de lait, de mots lait en France. Oui. Excuse-moi. Bon. Donc, curieuse de fin de session, je vais faire plusieurs petits sujets. Hein? Ouais. Donc, on va se gâter. On va clore. On va se gâter aujourd'hui. On se gâte. Mais je voudrais commencer par deux sujets. Un, remercier Sifu et toute son équipe pour l'excellent travail technique pour le débat de lundi dernier. Oui. On ne vous l'a pas dit officiellement. Moi, je vous le dis. Merci beaucoup, les gars. Mais c'était agréable vraiment, pour nous aussi. C'était génial. Et même les candidats ont apprécié l'expérience. J'en ai eu des échos par la suite. C'était le premier débat d'une longue série à Trois-Rivières. Et les journalistes prenaient, par exemple, celui de Sifu à Jupiter. Wow! Donc, c'était vraiment un chapeau, les boys, toute l'équipe, à Danny, à Alain. Et fait que si ça serait pas de vous autres, ça aurait été deux pics pas mal. Là, parce que les micros étaient pas placés, rien, quand même, vous arriviez. Et aussi, l'autre affaire, Mathieu, je t'offre mes excuses. Mais, OK. Oh! Oui, parce que la semaine dernière, je parlais d'un petit parti politique et puis j'en avais réservé un pour toi. Puis, bon, par manque de temps, j'ai pas pu en parler. Mais je sais que s'il y avait un candidat de ce parti-là à Trois-Rivières, tu serais le représentant de ce parti-là. Je suis certain. C'est parti le geek? Non. Ben, presque. Le parti pirate. Pirate? Oui, monsieur. Ah oh, oui, ben oui, j'avais entendu les nouvelles là-dessus. Donc, parti pirate né au monde, né officiellement en 2008. Donc, il n'y avait aucun candidat aux dernières élections. Ouais. Leur programme, c'est réformer les droits d'auteur et le système de brevets, protéger les droits, le droit à la vie privée, simplifier l'accès à la culture, défendre la neutralité du web et promouvoir le libre accès à l'information. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un parti moderniste. Donc, il veut défendre les valeurs de l'Internet et de tout ce qui gravite autour de ça. Donc, c'est pour ça que je me l'étais réservé pour la fin pour toi, Mathieu. Donc, merci de le rappeler qu'ils existent. Ils vont monter. Il y a combien de personnes qui se présentent? On ne sait pas encore. Okay. La liste est sortie officiellement cette semaine. Je n'ai pas été voir. Okay. Mais il y en a. Okay. C'est plus en l'Ouest canadien, cette histoire-là. Au Québec, c'est pas très populaire. Peut-être qu'il y en a un ou deux. Au Québec, ce sera dans 5-6 ans, comme tout au Québec. Oups, excuse-moi, je retire mes paroles. Parce qu'il faut tout traduire. Ils sont toujours en retard. Non, ils sont en retard dans tout au Québec, quand même. Bref. Plusieurs fois, c'est ça. Donc voilà, donc mes remerciements, mes excuses faites. Je passe maintenant au creuset officiel de ma chronique. Sortons l'appel, oui. On parlait au début de la campagne électorale de coalition. On savait, Harper avait dit ça va être une coalition socialiste, indépendantiste avec Ignatieff, le NPD et le Bloc québécois. De l'autre côté, on disait en 2006, toi-même, Harper, t'avais voulu en créer une coalition. Ouais. Donc le sujet a été clos parce que c'était un but de chaque côté, donc match nul pour ce dossier-là. Mais cette semaine, Michael Ignatieff en a reparlé, mais pas de coalition. Il a joué avec les mots et on voit que... Lui, il a ouvert la porte. Non. Il a ouvert la porte du sujet, oui, mais pas d'une coalition en tant que telle. Écoute, je vais te citer ce qu'il dit, puis ensuite on va en reparler. Il dit, OK, il t'a fâché, là. OK, parlons-en pour que tout soit au clair. Il dit, si M. Harper gagne le plus grand nombre de sièges et forme le gouvernement, mais n'obtient pas la confiance de la Chambre, alors ça revient au gouverneur général. C'est ce qui arrive, c'est comme ça que les règles fonctionnent. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Harper, peu importe s'il est majoritaire ou minoritaire après le 2 mai prochain, va déposer un nouveau budget fédéral. Et selon ce qu'on sait, c'est que le budget avant les élections et celui après les élections serait le même. C'est mot pour mot, par quelques virgules près. Et si l'opposition a voté contre le budget avant les élections, ce qui a déclenché les élections, il va naturellement voter contre le prochain budget. Ça serait logique. Donc, le gouvernement tomberait encore. Mais pas s'ils sont majoritaires? Oui, parce que l'opposition vote contre, donc oui, il peut l'appliquer le budget, sauf que le gouverneur général serait, de par la loi, de par la Constitution, obligé d'aller voir Michael Ignatieff, donc le chef de l'opposition le plus puissant, pour lui demander « As-tu une autre proposition? » Oui, mais ce ne sera peut-être pas Michael Ignatieff. Ben, ça ne sera peut-être pas Michael Ignatieff. Mais non, logiquement, disons que ça va être lui quand même. Mettons des bémols là-dessus, des guillemets. Mais le gouverneur général, de par la Constitution, est obligé d'aller voir l'opposition pour dire « OK, qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi le plan B? Okay. » Et là, Ignatieff pourrait dire « Voici mon programme. Si l'opposition, donc le Bloc et le NPD, sont d'accord avec mon programme, nous sommes en mesure de former un gouvernement pendant 18 à 24 mois. » Donc, il n'y aura pas de loi qui va passer, il n'y aura pas de décision de prise, juste une gestion de l'État. Donc, avant de retomber dans des... Dans des élections obligatoires, parce que là, c'est ingouvernable, exactement. Donc, le gouverneur général pourrait remettre le pouvoir à l'opposition. Ça s'est déjà vu en Europe, principalement, ça arrive fréquemment. Au Canada, en Amérique, ça serait la première fois que ça arriverait. Il serait content? il serait content, mais tellement une belle problématique constitutionnelle ici, là. Le Bloc québécois pourrait faire fonctionner le gouvernement fédéral. Ouf! Ça serait pour Legault. Et si, bon, on... ça c'est si majoritaire, si minoritaire, et que le gouvernement Harper dépose le budget, que ça va de compte, donc le gouvernement est automatiquement défait. Donc là, le gouverneur général, sans même consulter, va remettre le pouvoir à l'opposition. Okay. Donc il pourrait y avoir une crise constitutionnelle à Ottawa après le 2 mai. Donc c'est à suivre, les élections ne font que commencer là. C'est ça, parce que si le budget passe pas encore, on retombe pas tout de suite dans les élections, ça n'a pas de sens aussi. Ça n'a vraiment pas de sens. Sinon, on passe l'année dans les élections. Oui, effectivement, puis ça coûterait extrêmement cher, mais la démocratie n'a aucun prix. Mais ça serait une belle problématique au pays. Est-ce que Harper pourrait encore être légitime pour gouverner ou du moins diriger son parti? Il y aurait une crise dans tous les partis politiques à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et là, la grande question, c'est est-ce que le NPD pourrait s'allier au Parti libéral pour gouverner? Logiquement, oui. Mais dans le côté plus pratique, est-ce que Layton va vouloir devenir ministre ou vice-premier ministre? C'est ça qui est... coalition, entre guillemets. Là, il ne pourrait plus critiquer le gouvernement. Il serait obligé de supporter le gouvernement. Donc là, Layton pourrait vanter Ignacev plutôt que le démolir comme il l'a fait présentement. Là. Ça dépend. Peut-être que Layton serait à la tête s'il y a plus de... Peut-être. Ben, je vois que t'es trop enthousiaste. Je vais revenir à la fin de la chronique sur le sondage qui est sorti ce matin. T'es trop enthousiaste, Simon. Je te pète ta balloune. Calme-toi. Ouais, espèce de bloquiste. Ouais, non. insulte. Donc, passons à un autre sujet. Donc, coalition, c'est pas mort ce projet-là. L'autre sujet, les pensions de retraite. Hein? Est-ce qu'on a déjà pensé à ça, un député, combien ça gagne à être député et combien ça gagne à ne plus être député? Ça gagne pas mal. Ça gagne, disons que je suis jaloux. Moi, pas aimer la politique, là, je dirais, au lieu d'être sous chômage, je m'envoie en politique et je suis gras dur jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, juste pour l'élection d'aujourd'hui, de cette année, tout député en haut de 55 ans a le droit à une retraite. Donc, si tu as été député dans ta vie, à 55 même ans... Même un an, là. Non, ça prend 6 ans. OK, 6 ans. Faut être élu 6 ans, non consécutive. OK. Donc, après 55 ans, tu touches ta prime de retraite. Et là, ça touche 132 députés. Il y en a 308 présentement. Mm-hmm. Ça touche 132 députés. Ils n'ont qu'à se faire réélire et à finir une année, ils vont pouvoir toucher leur retraite. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont démissionner d'ici 18 mois. Attendez-vous à ça, là. Parce que, bon, t'es rendu à... Ça, 50... c'est le but, en fait. Quand tu sais que tu peux pas avancer plus que ça, j'imagine... Tu touches ta prime, puis tu t'en privé après. Parce qu'à 55 ans, t'es encore très jeune. Donc, tu t'en privé pour une dizaine d'années. T'as un double salaire. La vie est belle. Quand tu mets dans ton CV que t'as été député, en plus... C'est sûr que ça aide. Tu dois pas l'envoyer ben des places. Non, on vient te chercher. Je pense que oui. Parce que oui. Donc, à l'heure actuelle, un simple député qui siège 6 ans seulement a le droit à une pension annuelle d'environ 30 000 $ 30 000 $ là, c'est plus que nous autres. Mm-hmm. Indexé jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est pas jusqu'à 75 ans, c'est... Donc, ça va augmenter sans cesse. Exactement. Donc, le salaire de député s'élève actuellement à 155 000 $ Hey! C'est pas mal. Non, c'est pas beaucoup. Non? Non, je trouve pas, moi. 155 000? Parce qu'admettons, t'arrives avec une enveloppe pleine de cash, là, une mallette d'1 million $ pour dire t'as fait passer la loi. Je pense que quand tu gagnes 100 000 puis on t'offre 1 million, t'as fait passer la loi. Ouais. Le président des États-Unis gagne 250 000 $ Ouais, ça, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. L'homme le plus puissant au monde, 250 000 piastres. Donc, influençable, corruptible. Mais tu trouves-tu que ça passerait dans la population si on... Non, oublie ça. Il y a juste à Shawinigan, ils veulent augmenter leur salaire pour les rendre décents de 25% d'augmentation, puis ça chasse. Pas. Alors, regarde, à la place, il fallait à 2-3 moves. À chaque année, il augmente de 10%. T'sais, au bout de 4 ans, ça va être 40%. Il y a une petite logique, stratégie ici à avoir. Donc, un député qui se fait battre, donc qui est au pouvoir présentement, qui ne perd son siège le 2 mai, a le droit à une prime de départ de 50% de son salaire. Ah oui. C'est quand même intéressant. Tu pars avec 75 000 $ on te remercie, tu reviendras désolé. Dans 4 ans. Ouais, c'est ça. Désolé que le monde t'aime pas, on te récompense demain, 75 000 $ Ça, ce qui est un peu normal, ça peut être fâchant de même. Là, ça, mais pourquoi c'est normal? Ça fait 4 4 ans, 10 ans que t'es débuté. Donc, tu te retrouves du jour au lendemain à... OK, là, faut me trouver une job, là. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais si t'es plus débuté, c'est peut-être parce que soit peut-être que t'as rien fait t'es ou... T'es pas bon, t'es... Mais... Il y a plusieurs considérations. Donc, est-ce qu'on pourrait juger à la pièce? Mm-hmm. Ça serait délicat. Il faudrait un comité d'enquête à savoir pourquoi tu t'es fait battre. Là, ouais, ça s'est bien touché. Par un nouveau qui a pas fait ses preuves en plus. T'sais. Exactement. Exact. Donc, qu'est-ce qui arrive? Fait qu'ils ont statué 50% du salaire de ta meilleure c'est année pendant les 4 ans, on te le donne en prime de départ. C'est à peu près comme le chômage, finalement. Ouais, c'est pas juste le même montant. C'est pas le même ouais, montant. Par pourcentage, on s'entend. Ouais, exactement. Donc, sur les 132 députés qui pourraient avoir leur régime de retraite, il y en a 74 qui sont conservateurs. Donc, on s'entend que le conservateur, c'est le parti le plus âgé. 22 libéraux, 22 néo-démocrates et 15 bloquistes et un indépendant. Et je vous le donne en mille, c'est André Arthur. Ah, quelle ah, surprise ici. Ouais. Donc, si se fait... Si il est en tête aussi, là. On en reparlera. Donc, c'est ça. Donc, on verra le 2 mai qui pourra prendre sa retraite dans les 18 prochains mois. Parce qu'il y en a qui... Il y en a qui, c'est chiant, là. Ça y prend juste 10 jours. Oh. Dès qu'il va avoir fait 10 jours, il va pouvoir démissionner pour toucher sa retraite. J'espère qu'il démissionnera pas le 12 mai. Mais bon, ça pourrait arriver. J'espère qu'il est au moins là un peu pour le faire du bon travail et pour être apprécié. On pourrait l'appeler, c'est un Québécois, membre du Bloc québécois. Donc, on pourrait l'appeler pour dire « Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! » Autre sujet, le congrès du Parti québécois. Ah, ça a fait beaucoup les manchettes. Non pas le congrès en tant que tel, mais le chiffre magique qui en est ressorti. 93.08. Oui, ça, franchement. Là, tu disais dans ta chronique sur Duceppe et son vote de confiance que tu sais, il avait dit à deux ou trois personnes de voter contre. Peut-être qu'il aurait dû en prendre un petit peu plus pour Pauline. Au moins aller chercher en bas de 90, entre 85-90. 85, ça aurait été un très beau chiffre. Donc très légitime, très normal au sein du Parti québécois. J'ai entendu parler que. Certains membres reconnus pour être des anti-Pauline avaient été maintenus à l'écart de ce vote-là. Oui, il y en a quelques-uns qui ont été refusés à l'entrée. Ah ouais. Oui, il y a eu une genre de censure à l'entrée, tous ceux qui étaient critiques. Donc, dans le fameux groupe des 50, on se souvient l'an dernier, je n'en avais parlé ici, 50 jeunes surtout avaient dit « On ne veut pas de Pauline Marois, on veut un Jacques Parizeau, un simili Jacques Parizeau au pouvoir qui va promouvoir la souveraineté de la langue française, qui va se battre. » Il avait sorti une lettre dans les médias, puis là, Pauline et le Parti québécois avaient été dans l'eau chaude pendant plusieurs semaines. Donc, parmi ces 50, plusieurs ont été refoulés à la porte pour dire... Il n'y a plus de place. Non, ton nom est mal écrit sur la liste, fait qu'on sait pas si c'est toi. T'sais, ça joue une main, des détails. Wow. Donc, Pauline, 93,08%. Jacques Parizeau, le premier chef à avoir été mis à... Au vote de confiance, avait reçu 92%. On s'entend, là, c'est Jacques Parizeau encore aujourd'hui. Non, mais c'est ça. C'est énorme. Lucien Bouchard, à l'an 2000, il avait eu 91%. Quand Lucien Bouchard, l'homme le plus populaire au Québec à l'époque, tout parti confondu. Et en 96, il avait obtenu 76%. Oui. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, 76%. Et peu de temps après, le congrès, donc 91. Et Bernard Landry, qui est quand même un des grands nationalistes du Québec, 76,2%. Et lui, il avait démissionné parce qu'il s'était fixé un objectif de 80%. Donc, en n'ayant pas atteint ça, il démissionne tout de suite. Et là, Pauline Marois, on s'entend, 93,0%. Félicitations, Pauline. Écoute, on va se fier aux chiffres officiels et pas de démagogie, là. Tu le mérites, bon. Ben, disons-le de même, je vais me laver la langue avec le savon. Ouais, c'est ça. Elle va devenir de plus en plus arrogante. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va vraiment en plate. Parce qu'elle était déjà extrêmement arrogante avant. Ça, on verra. Son discours a déjà changé cette semaine à l'Assemblée nationale. Là, elle a un siège qui lui est donné sur un plateau d'argent en disant « Tu peux faire ce que tu veux, Pauline. Tes troupes te suivent. » Donc, peu importe si tu parles ou non de souveraineté, on va t'aider. Donc, je veux finir rapidement parce que je veux vous laisser du temps pour parler un petit peu à vos requins. Projection des sièges. Selon tous les sondages nationaux confondus, donc un exercice qui est fait sur le site je ne sais plus de son nom, c'est 308.com en anglais. Écrivez-le en langue. Merci de ton anglais, Simon. Donc, projection de sièges. 147 sièges pour le Parti conservateur, ce qui donnerait un gouvernement minoritaire. 80 sièges au Parti libéral, donc une hausse de 3 députés depuis la dissolution. NPD perdrait un siège, 35. Le Bloc québécois, 45, en perdrait 2, en fait. Et il y aurait un indépendant qui se ferait élire. André Arthur? Probablement, c'est lui qui est là. Moi, en tout cas, je l'ai mis dans mon pool. Hein? Ouais, ouais, tout le monde l'a mis, je pense, André Arthur. OK. André Arthur, si on est à 147 pour le Parti conservateur et André Arthur 1, ça serait pratiquement de majorité. Il pourrait, sauf qu'il ne faut pas oublier que le chef, le président de la Chambre des communes est habituellement du Parti au pouvoir. Ah, il ne peut pas voter. Le vice-président aussi, donc en paire 2 automatique. Ouais, mais s'ils n'ont pas le choix. Pour ça, ça prend 155. S'ils n'ont pas le choix, il pourrait nommer quelqu'un du Parti libéral. Il pourrait. Okay. Effectivement, comme c'était le cas pendant le gouvernement minoritaire à Québec, c'était un péquiste qui était au pouvoir, président de l'Assemblée, alors que c'était le gouvernement libéral qui était au pouvoir. Donc là, je sais, Simon, je te vois la face sourire depuis tantôt. Un sondage est paru. Sondage Crop la presse, donnant pour la première fois dans l'histoire de ce parti, dans l'histoire du pays, une avance au Québec pour le parti nouveau, Parti démocratique. Donc, le NPD recueillerait 36% des intentions de vote, loin devant le Bloc québécois à 31%. C'est une inversion carrément avec les sondages habituels. Le Parti conservateur 17% et qui traîne de la queue, Parti libéral avec 13%. Mmh, mais là beaucoup. Où je te dis, où je te pète la balloune, c'est que dans la méthodologie, ceux qui étaient indifférents ou ceux sans opinion, ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas redistribué. Là est la nuance. Parce qu'il y a un autre sondage, Écosse, qui est sorti au même moment, on n'en parle pas, évidemment, parce que ça ne fait pas la une, donnerait 32 blocs et 27 NPD. Et eux ont réparti les indécis. Donc, il faut prendre ça avec des gants blancs, disons, c'est délicat, mais la montée du NPD au Québec, elle est vérifiable. Ouais. Ça pourrait faire de la partie de ta chronique, c'est un fait. Ça pourrait. Donc, oui. Donc, Jack Layton, très populaire au Québec. Ça va probablement aider, par contre, les gens qui étaient indécis peut-être à choisir un camp. Ou ceux qui ne voulaient pas voter parce que c'est le Bloc encore va encore gagner. Donc, ils vont dire « Ah, j'ai peut-être une chance. » Le monde, on ne veut pas voter au contraire des autres parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Que ça ne servira à rien de toute façon. Alors que là, ça pourrait servir. Voilà. Et le Bloc sort des cassettes et des cassettes et des cassettes. Non, non, il y a un box set assez impressionnant. Donc... Oui. Ben, on se dépêche, les gars. Oui, oui, certainement. Et puis ça, en fait, là, ça pourrait garder Jack en politique aussi. Ça pourrait l'inciter. Disons que ça pourrait pencher la balance pour dire, gars, t'as maintenant un château fort au Québec. C'est pas ça dans va bien. Circonscription. Ça va très bien au Québec. Let's go, leur choix là, c'est pour une autre campagne électorale. Peut-être, t'aurais peut-être l'appui du Québec pour former un gouvernement, éventuellement. C'est pas exclu. Et Jack Layton, partout où il passe maintenant, il dit, je pourrais être le chef de l'opposition. Je sais que je serai jamais premier ministre. Là, cette élection-ci. Mais je pourrais être le chef de l'opposition. Donc là, c'est son nouveau leitmotiv. Je pourrais l'être. Ça fait mal à... au bloquiste. Ouais. Très, très cool. Merci, François. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Monsieur André. Ça me fait plaisir. Très plaisir, votre chronique. Bye, merci beaucoup, comme toujours. Tout au courant de la session. Oui, c'était ta dernière pour l'instant. On va se retrouver jeudi prochain, le 28. Ouais, tu devrais pouvoir être là. Oui, monsieur. Avec mes goûts musicaux, je sais pas si j'ai le droit. Oui, t'as le droit. Mais parfait, j'ai le droit. C'est le concept de la chose. Moi, on va pouvoir apporter sa musique pour cette dernière avec tous les chroniqueurs. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.